Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Powercast, motherfucker. Hey, hey oh, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue au premier épisode de la saison 2 de Powercast. Oh là là, wow. C'est formidable. On a un nouveau visuel un peu, on a un nouveau logo aussi. On peut applaudir d'ailleurs Soline et Fabien qui ont fait le logo, qui sont dans le public. Qui sont ouais là. C'est le Bataclan, là on voit pas. Mais... Ouais. Merci à eux, c'est un très très beau logo. Alors, on est ce soir avec deux invités qui sont... Whisky Léo Khalifa. Hey, enchanté. Bah attendez, applaudissez. Ouais, vous avez sacré carrière quand même. Léo fait qui était venu dans l'épisode 2 non, de la saison 1. Ah pardon, Whisky Khalifa ouais. De son vrai nom. Avec un très beau bob, il est venu avec son déguisement. Je suis Whisky Khalifa, donc j'ai des habits normaux. Des habits de tous les jours. Des habits du dimanche. Et on est avec Fabien aussi. Qui n'a pas sa langue dans sa poche. Salut Fabien. Jules, je te laisse commencer pour présenter les invités. Écoute, un petit peu parce qu'on vous connaît pas tant que ça finalement. Léo et Fabien, alors Léo est déjà venu mais on n'avait pas encore introduit cette rubrique, oui, on va dire. C'est vrai. En fait les gars, on est allé chercher dans vos mentions j'aime de Facebook un petit peu tout ce qui vous définit. On va commencer par toi Léo. Alors Léo, selon tes mentions j'aime de Facebook, tu penses que Dieu est un geek qui joue aux Sims toute la journée? Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Non! J'ai eu Facebook jeune! Quelle innocence! Tu crains un peu la mini crise cardiaque qu'on a lorsqu'on sent plus notre portable dans notre poche? Ah ouais? Ouais, t'as aimé cette page? D'accord, très bien. Bon. Bah, je ressens quotidiennement, donc ça va. Oui. Jusque-là, c'est vrai. Et tu as aimé Bonjour, je suis un psychopathe! Alors, oui, je voulais impressionner quelqu'un. Mais vous m'avez démasqué, bah ouais, en fait. C'est toi, t'es Joaquin Phoenix ou quoi? Ouais. Wow, ouais, ça, t'as passé le casting aussi pour. Ouais, ils m'ont dit que tu danses pas assez bien pour faire le rôle, du coup, ça dégage. C'était vraiment juste ça, ok. Fabien, toi, tu aimes avoir des couilles en or et éjaculer des paillettes. On a tous fait des erreurs. Ouais. On assume encore aujourd'hui. On peut le redire pour que. Avoir des couilles en or et éjaculer des paillettes. Voilà. Je vous laisse vous faire une image de Fabien. Et hop là, voilà, c'est parti. Tu aimes fixer quelqu'un qui te fixe jusqu'à ce qu'il en soit gêné. Alors est-ce que tu le fais en même temps que éjaculer des paillettes? Ça c'est une alors, question. Alors ça peut aller ensemble, mais c'est vrai que dans les transports en commun c'est pas acceptable. Je me suis fait sortir d'un bus plusieurs fois. Et tu aimes la page chewing gum. Bon, vrai, on a tous des passions différentes, ouais, Jules, faut pas. Ouais, bon, bah, moi c'est tic tac à la pastèque. Hein. Dégueulasse, ne prenez jamais. Clément, est-ce qu'on présente le thème ou est-ce qu'on passe directement à la... Et vous, on n'a pas vos mentions j'aime, par contre. On l'a fait une fois, je crois. Attendez, je règle mon micro tout à l'heure. Ok, voilà, je suis un petit peu bien. Déçu. Je pense que je vais partir au milieu de l'émission. On le fera peut-être au prochain. Oui, si t'es content, si tu le demandes, on le... Si t'es content. Si t'es content, on le fera au prochain. Si t'es content d'être venu ici, c'est ça. Voilà, j'ai fait mes petits réglages. Le thème, du coup, c'est 4 mecs blancs qui parlent, c'est ça? Et non, 3 mecs blancs et Wiz Khalifa. Ah oui, pardon, excusez-moi. Même moi, je m'oublie. Vous êtes Wiz Khalifa quand même. Je vous vois, mais. Oui, non, bah le thème, écoute, est-ce qu'on le présente vraiment? Bon, on peut parler vite fouille, c'est une expression que j'ai inventée. Ouais, parce qu'il faut savoir que fouille. Jules essaie de ouais. publier un livre d'expression. Voilà, oui, pas, on en a parlé tout à l'heure. Le thème, la c'est ce film qui. Donc, trois petits points. Donc, ce film qui t'a fait chialer, ce film qui t'a fait. Qui t'a fait pisser, peut-être. Voilà. Ce film qui t'a fait rire, etc. Voilà. Mais tout d'abord, Clément, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va parler. On va faire. Oula, ouf. Je suis bien. T'es stressé? Écoute, ça va? Non. On va passer à nos traditionnels qu'on appelait au début Fist and Curious, ouais, mais qu'on renomme un peu à chaque fois. Et par cette honte. Fois, il s'appelle le Qu'est-ce que tu répondrais toi si je te demandais de choisir entre deux propositions? Au moins, c'est clair. On va peut-être pas garder ce titre. Je suis beaucoup plus. Moi, j'étais perdu. On changera peut-être pour la prochaine fois. Donc on va, je vais voilà. La alors musique. Clément, le maestro va se munir de son ukulele. Par contre, je vois les. Attention à ton câble, voilà. Parce que moi, c'est juste attention pour toi, à toi. Pour pas que ça se. Bah, essaie de pas lire. Ok. Ouais, essaie de me regarder droit dans les yeux. Ok. Alors que je vais commencer par Fabien. Ah. Ouais, super. Bah, je vais regarder l'écran. Maestro, arrêtez de bouger vos micros. Fab, le Boursin ou Jean-Pierre Darroussin? Le Boursin. Très bien. Community ou The Office? The Office. Beef Tannen ou Griff Tannen? L'original. Batman ou Saruman? Batman. Mustafar ou Isengard? Mustafar. Et enfin, les Oscars ou les Césars? Je t'en pose une belle. Oh. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Meilleure réponse. J'ai tout seul à te dire. Ça micro qui tourne, hein, Ah. Je bah écoute. Tu veux que je soutienne bails, hein. Je peux. Un instant imitation peut-être avec Léo qui va nous imiter. Ah bah parle-nous des interruptions imitation. Si les gens connaissent, on est à la saison 2, mais tu peux y aller, vas-y. C'est vrai. Interruptions imitation, c'est simplement que peut-être des fois sur le chat ou entre nous, on peut se proposer de faire simplement des imitations. Par exemple, désolé, les gars, j'allais te demander Wiz, si tu me permets de t'appeler Wiz. Ouais, j'allais te demander d'imiter Léo Riemann, mais. Salut, je suis relou. Yes. J'ai cru que c'était. Je le connais bien. J'ai cru que c'était lui. Moi, je. À la seconde. D'ailleurs, oui, Wiz, c'est bon, on peut y aller. Wizcal, oui. Est-ce que je peux te poser une série de questions? Tu l'acceptes? Yes. C'est parti. Thomas Anderson ou Wes Anderson? Wes Anderson. Oula, oula, là, derrière. Vous entendiez? Excusez-moi. J'essayais de trouver des trucs. Pardon. Alors, du coup, Thomas Anderson ou Wes Anderson? Bah, Wes Anderson, c'est un pote maintenant. Oh bah oui, c'est un pote. vous êtes dans le showbiz de toute façon, hein. Eric Bana ou le pain Bagna? Le pain Bagna. Très bien. Plus de charisme que Eric Bana. Plus sympathique aussi. Ouais. Là, l'approche. Charmed ou Buffy contre les vampires? Regarde mon t-shirt, fais gaffe. Fais gaffe à ce que tu as. Je dirais. Pardon, on m'a demandé d'imiter Hitler, c'est un peu. Non. C'est un peu borderline. Bof. Non, je dirais Malcolm parce que j'ai vu aucun des deux. Donc, Ah bon? Bah, tu vois, alors comme quoi, j'ai super bien fait mon boulot. Hein. Ah si, j'ai peut-être vu des épisodes de Charmed avec mon frère. On peut l'appeler si vous voulez. Non, on fait pas ça en vrai. Tu sais, à mon avis, on a dû en parler dans le podcast numéro 2 et du coup, je me suis dit, ah, il a peut-être vu, du coup, je vais lui proposer ça. Ouais, mais je dirais Charmed du coup. Mais, Très bien. Ouais, musique c'est pas fini Ah, pardon. Il y a vraiment deux questions pour moi. Intermittent là. Pour, hein. Dieu m'a donné la foi de Ophélie Winter ou Dieu donné? C'est dur. Non mais rigolez pas. Non bah Dieu m'a donné la foi. Ouais. Comme tu sais Kanye West il a sorti son album aujourd'hui, hein, c'est à l'heure. C'est actuel. Batman ou le Joker? Joker. Oui, ah, peut-être rapport à un petit film. Non, bien avant le film, il a toujours été plus intéressant. Alors, est-ce que je peux avoir une pause? Joker, Jared Leto, on est d'accord? Bah bien sûr, c'est mon préféré. Le meilleur. Hein. De, sur fond le cosplay de Joker par un ado de 16 ans en fait. Ouais, voilà, c'est lui qui s'écrit hahaha sur les pecs pour montrer qu'il est. Il est un peu. Il est complètement. Tu sais quoi? Je pense qu'il aime la page. Bonjour, je suis un psychopathe. Et pour finir, 10% ou 46 casse-ports? 46 casse-ports, direct. Voilà. On embrasse que ensuite, Mar. Et justement, tu disais qu'on s'était pas fait nos mentions Facebook à chacun. Mais quelqu'un moi, s'est joué du ukulélé ici? Pas du tout, mais. Ah merde. Oh non. C'est vrai? Attends, t'as vraiment amené un. Il a amené une surprise. Formidable. C'est une super trompette. Vas-y. Yes. Alors, tu vas te mettre un peu plus loin du micro pour faire ça. Pour moi, c'est une sirène de pompier. C'est rien d'autre. Attends, je vais t'enlever le. Wow. Le faux micro. Alors là, on adore les invités qui nous amènent des instruments et là, on est ravis. Déjà, Fabien. Du coup, on préfère Léo à Fabien, quoi. Enfin, parce qu'il nous a amené un instrument, quoi. Oui, à ce Fabien. C'est Wiz Khalifa, c'est normal que j'emmène un instrument, je suis musicien. Bah, Wiz, fais-nous ton dernier single. Vas-y, ouais. Yo, Weed. Qui a tout compris au personnage. Wow. Tu veux commencer, Clément, ou je le fais? Parce que du coup, on s'est fait des on s'est écrit des virus nous-mêmes. Okay. Parce qu'on le fait jamais des virus. Alors, mets-toi vraiment plus loin, parce que personne. Ouais. J'ai arrêté, c'est vrai. Avec des interférences. Sinon, fais du ukulélé, hein. Tu feras peut-être mieux que ça. Mais tu peux faire sur deux notes, hein. Tu sais faire deux notes. C'est une petite proposition que j'ai, hein. Allez, arrêtez de m'humilier. Ah ouais. Ok. Je sais pas, bah, faites une musique en attendant, je sais pas, faites un petit truc. Ouais, mais moi, du coup, je peux pas faire du. Non, mais allez-y, on va improviser un truc, vous en faites pas, on est sur quelque chose. Et tu commences, Jules? Ok, allez, vas-y. Bah merci, bah voilà, l'interlude de musique. Les misophones. Clément, oui, une question pour toi. Vas-y, bah j'ai jamais fait, je suis ultra ému. Alors, en fait, c'est, t'es ému? Bon bah ouais. Chial. Hein. Ah. The Boys ou Watchmen? The Boys. Chaka Ponk ou 21 Pilotes? Chaka Ponk. Tobey Maguire ou Tom Holland? Ah, je t'en pose une belle là. T'as dû dire Tobey Maguire ou François Hollande, là il y avait un peu. Là il y avait du jeu. Tom Holland ou François Hollande? Non, c'est. Alors, Tom Holland ou Tom Holland? Ah, c'est dur. Non, Tobey Maguire quand même. D'accord. Et vient ma prochaine question du coup, espèce d'enculé. Tom Holland ou François Hollande? Ah merde. Ah trop marrant, Jules, ouais, putain. Tom Holland, Tom Holland évidemment. Je suis créa dans une boîte. Passé ou futur? Ni l'un ni l'autre existe. Moi j'aime le présent. Tu aimes le présent? Moi je vis dans l'instant présent. Je vis le jour le jour. Tout à fait. Tu aimerais retourner dans le passé ou aller dans le futur? Elle est pas compliquée ma question. Tu te bouges le cul un peu. Ouais, dans le passé, dans le passé. Ok. Pour l'inceste. Une raison. Pantoufle ou tatane? Ouais, il l'a dit. pantoufle, c'est bien plus confortable. Est-ce que je peux dire pourquoi? Oui. Faut savoir que Clément avait des pantoufles, fut un temps avant ses tatanes Marvel. Il avait des pantoufles où c'était marqué 50% râleur sur l'une, et sur l'autre c'était marqué 50% drôle et sympa. Voilà. C'est ce qui me définit le mieux finalement. C'est vrai que c'est les deux. Voilà. Voilà. Bah merci Jules. C'était on a, je crois attends, qu'on a fait... j'ai un film mais... curieux pour toi enfin. Écoute, je suis chamboulé. Il est chamboule tout, un super film. Ok, t'es prêt? Croustille, vous, vous faites un petit truc là, en attendant? Ouais, ouais, bien sûr. Un beatbox, un petit beatbox. Ok. Bah voilà. Ouais, pas si près par contre. Ouais, voilà. Yes. Bounty. Ok. 3, 4. Apex ou Paladin? Paladin. Oui, Adrien Méniel ou Flaubert? Flaubert. Oh, salope. Se faire un Subway proche de Notre-Dame ou un cake aux fruits? Se faire un Subway proche de Notre-Dame parce que c'est quand même bien plus sympa de se faire virer et de d'être face à des gens très cool, mal polis. Les private jokes. Ouais. Non, non, culé. On se marre bien entre nous. Non, ouais, c'est juste qu'on s'est fait un Subway au milieu des rats et au milieu des gens pas sympas. Voilà. Parce qu'ils voulaient pas qu'on mange à l'intérieur du Subway. Ouais. Et à côté de Notre-Dame. Alors là, je les tacle, ils avaient plus de yaourt. Oh les salauds. Putain. Alors là. Merci Macron. Je souffre du nez. En plein Paris. Ça va mal, hein. Okay, bref, on continue. Batman interprété par Affleck ou Batman interprété par Christian Bale? Affleck. Ça va, Léo? Il ferme son pop de. Ah non, non, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'ai chaud, il faut un joint, putain. Wiz Khalifa. Non, pas à l'image. Non, Affleck. Mille fois Affleck. Même si j'aime bien Christian Bale. Très bien. Christian Bale, il zozote, c'est déjà pas crédible. Moi, je suis Batman. Je suis le Batman. Alors, trottinette électrique ou rasoir électrique? Trottinette électrique, c'est quand même bien plus de fun. Pratique. Moins pratique pour et se raser. Et enfin, Bring Me the Horizon ou Wither? Ah, c'est plus compliqué que ce qui paraissait. Pas forcément. Alors, c'est très très long par contre, donc faut animer un peu. C'est très compliqué. Wither, bizarrement. Wither, ok, j'ai très bien. J'ai plus BMTH, mais en même temps, Wither, j'ai l'impression que c'est genre un classique. Et puis, je vais les voir cet été. Voilà, okay. Petit concert. Et Crazy Frog ou Carlos? Carlos, big bisous. Ok, très bien. Et Fabien, une petite imitation de Crazy Frog? Ça me va, yeah, c'est bon. Parfait. C'est bien. Validé par la prod. il est assez fort, Fabien, c'est bon au niveau du son. Pas au niveau du son, moi je parle pas, mais sinon tu m'entends. Alors, on va passer au reco. Ouais, on peut passer au reco. Ouais. Bad. Eh. Oh non. Jingle. Bah là, c'est reco. On pète. Ouais, putain, toi. Ah ah. Allez. Alors, pour les gens qui écoutent le podcast, il a. J'aurais dû il monter son micro, j'aurais trop aimé qu'on entende le petit souffle. Je sais pas si on entendra. Oh là là, c'est mieux hein. Que n'importe quel jingle possible. Ah bah là, parfait. Donc, bah tiens, petit roco, vous avez des petits rocos? Fab, puisque tu ouvres ta gueule dans une trompette, c'est quoi ta reco YouTube? Ma reco YouTube. J'ai pas fait mon devoir. Mais je vais dire Memory Hall. Qu'est-ce que c'est? Alors, vas-y. Qu'est-ce que Memory Hall? Alors, j'aurais beaucoup de mal à la décrire. C'est, ouais, c'est pratique, ça. Un mix d'anciennes vidéos retrouvées ouais. Avec un montage assez creepy. Ça fait un peu une chaîne un peu hantée, on dirait. Enfin, franchement, tu vas la voir, t'es pas bien. C'est un peu psyché. Donc, c'est un petit peu de saison, quoi, si tu veux, pour les gens qui veulent se faire peur. Ah, bah, c'est pour Halloween, quoi. Ouais, clairement. Ah, ouais, le mec, il dit qu'il a pas préparé, il a des rocos en lien avec Halloween. Ah, bien joué. Il est pro. Il est très très bon. Très bien, ok. Donc, c'est des petits montages comme ça. Ça dure combien de temps à peu près? Il y a des vidéos de 1 minute à des vidéos de 30 minutes. Très bien. Vous avez le lien dans le chat. Combien d'abonnés? 3K? 4K? 10K? 46K? 46K sport, exactement. Eh ben, bon, je me permets d'enchaîner, écoute, parce que ça va pas durer longtemps. Vas-y. L'émission Level One qui a été réuploadée récemment, j'ai l'impression, qui était une ancienne émission de Game One en genre 2005, etc. Tout à fait. Présenté entre autres par Gérard Bast, le bon Gérardo, et dans laquelle il. Alors, des fois, il se fout de la gueule de jeu. Enfin, c'est une émission très, très à l'ancienne et en fait, j'aime bien. Ça ressemble un peu à des fois Gaming Live de jeuxvideo.com. Okay. Sauf qu'ils font des incrustations sur fond vert assez dégueulasses. Oui. En mode bichrome dégueulasse. Bah, 2005, hein, les fonds verts 2005. Exactement. Et c'est très drôle, ils invitent des fois des petits invités tout à fait insolites. Parce que par exemple pour un épisode de FIFA Street, ils ont invité Cyril Hanouna. Pour un autre FIFA, ils ont invité Omar et Fred. Il y a eu... Tu m'as dit tout à l'heure, il y avait Booba, non? Il y a eu Booba, voilà, pour, sans déconner. Pour un jeu de Free Fight. Évidemment. Trop bien, mais il faut que je vois cet épisode. Et au boulot, voilà, de temps en temps, je regardais ça le midi et ça m'a beaucoup fait rire. Quoi, tu regardes ça en travaillant? Non, à midi, quand je mangeais mes pâtes, mon petit tube. Hashtag Tupperware. Voilà. Hashtag pantoufle. Oui. Tupperware. On rappelle. Ok, bah, très bien, on va voir. Cool, voilà. C'était très court. Très bise à Gérard. Mais. Il y a sa bande. Léo, toi, une petite roco? Ouais, c'est un petit mec qui s'appelle Diablo X9. Non. T'avais fait le même genre de blague à l'épisode de TV. Je t'ai dit, je recycle un peu mes blagues. Je crois, non? Ouais, je pense que j'ai vraiment du pain. Non, c'est une chaîne où il y a plusieurs. Là, c'est la deuxième saison actuellement, ça a commencé l'an dernier. C'est le podcast. Voilà, tout à fait. Non, ça s'appelle Le Vortex. Ouais. C'est produit par Arte et ils ont leur propre chaîne YouTube donc qui s'appelle Le Vortex et c'est plusieurs vulgarisateurs de plein de domaines différents qui se réunissent. Okay. Donc il y a des gens, des biologistes, des archéologistes. Il y a le mec de Dirty Biology. Aussi, ouais, bah c'est lui qui a créé la. Okay. C'est lui qui a créé avec Real Myop qui était avant sur jeuxvideo.com. Ah, j'adore. Et bah voilà, eux deux ont créé Le Vortex avec la première saison et là, donc il y a eu tout un. Il y a notamment cool. Passé Sauvage qui est une archéologiste qui fait des trucs super cool aussi, allez voir ce qu'elle fait. Et voilà, et du coup là, c'est la deuxième saison et c'est. Ils ont tous ceux-là pour l'instant sont partis. Maintenant, c'est que d'autres vulgarisateurs. Il y a notamment Patrick Beau de Axolot et Manon Bril de C'est une autre histoire. Okay. Donc voilà, faut aller voir. Faut aller ils voir se regroupent tous pour faire. Et ils font des épisodes. Enfin, ils font un thème donné où t'en as à chaque fois deux ou trois qui interviennent et voilà, ils mêlent leur thème et ça donne quelque chose de. C'est super. Enfin, c'est passionnant parce qu'ils parlent de plein de trucs hyper intéressants. À chaque fois, t'as des bonnes recos. T'as déjà la veillée. Ouais. Très très très chill. Dans le sentimental. Et toi, Clément? Ouais. Eh bien, moi. Clément TV. Oui, c'est du calme. TV, Turbo Rire 2000, qu'est-ce que tu nous conseilles? Eh bien, je vais recommander une petite chaîne qui s'appelle Les Ballonnets. Bon. B-A-2-L. Ils ont trop mangé ou quoi? Ils sont ballonnets. Hein? T'aimes bien Wiz, hein? T'es amateur, toi. J'adore cet humour. So fun. Vas-y, pardon. Ouais, c'est une chaîne en fait de court métrage fait par deux personnes, j'ai oublié leur nom, mais c'est pas grave. Non, enfin, si c'est grave, mais c'est... des gens très sympathiques en fait. Ouais, que je suivais quand. Thierry et Stéphane. En fait, ils ont commencé assez jeunes, ils devaient avoir 15 ans, même peut-être un peu moins. Ils faisaient un peu des court métrages un peu de merde au début. Et en fait, ils ont pris très très vite du level et ils ont été déjà recommandés dans un 29 avec Antoine Daniel. Qui leur a fait monter pas mal au niveau des abonnés. Ils ont fait, il y a 3-4 ans, 3-4 vidéos qui étaient vraiment de qualité. Et ensuite, ils se sont arrêtés parce que je pense qu'ils avaient les études et tout. Et là, ils reviennent en fait avec une nouvelle chaîne, donc toute nouvelle, mais qui s'appelle encore Les Ballonnets. Ils ont enlevé l'autre. Mmh. Puis, voilà. Et ils recommencent avec des courts-métrages qui sont encore très quali. C'est un peu comme le Powercast qui revient sur une nouvelle chaîne, par exemple, avec des nouveaux logos, etc. On peut faire un tout peu l'analogie. Lié. Voilà, l'analogie est là. Je viens de me bouffer mon petit anti-pop. Voilà, c'est un peu ça. Mais allez voir, ouais, c'est humoristique, un peu humour absurde, mais c'est très très cool. Les Ballonnets, voilà. Les Ballonnets. Oui, alors leur nom est pas ouf. Attendus, le nom est pas ouf, mais. Dans la Saône-et-Garonne, les Ballonnets. Accusés voilà de viol par la famille Bidochon. Les Bidoches. La bonne Bidoche. Voilà pour les rocos. Je pense très qu'on bien. A fait le tour. Vous en avez pas d'autres en stock? Non. Quoi qu'on parle de Diablo X9 Wartech. J'ai stressé. Cyprien. Cyprien first, hein, perso. Non, je rigole, c'est faux. Pour en dire plein. Alors, ensuite, on passe au jeu Alors, premier jeu, oui, on a fait, on a préparé des petits jeux. Alors, j'adore jouer. On va commencer par. C'est super. On va commencer par mon jeu à moi. On a chacun notre petit jeu avec Jules. D'accord. Donc, toi, vu que t'es hyper mégalo égoïste, on commence par mon jeu à moi parce que voilà. Super. Parce que je suis le meilleur. Donc mon jeu s'appelle le jeu du pitch mal pitché. J'ai toujours des noms assez incroyables. C'est... Mais très clair au moins. Mais au moins voilà. Alors Jules a décidé quand même. Qu'on va faire des, on va compter les points dans ce, voilà, dans celui-là on va compter les points. Pour une fois d'habitude c'est un peu tranquille et entre amis, ouais, mais je là compétition. Je vais les compter. Très bien, Jules va s'occuper de les compter. Alors non, le principe du jeu, c'est que je vais vous pitcher. Alors ça a déjà été fait notamment par Alain Chabat dans sa super émission Burger Quiz, mais on l'a un peu remanié à notre sauce. Je vais vous pitcher un film, mais un peu de manière nulle. Vous allez voir, je vais vous le pitcher, vous allez vite comprendre. Je vais le dire, il y aura trois phrases, on va dire, et si vous trouvez dès la première phrase, vous avez 3 points. Si vous trouvez dès la deuxième phrase, 2 points. Et, c'est ça, hein. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a ça, pas dire mieux. Putain, merde. Attends, je sais plus compter. voilà. Vous êtes prêts? Et si on trouve pas, on a 12 points, c'est ça? Oui. Okay. Alors, bon, il a un peu révélé au grand jour. Il y a une petite astuce. Elle est là. Alors, je vous parlais d'un film, vous vous souvenez les gars, putain, c'est ce film où genre t'as un robot qui passe pour un dieu, tu vois, mais en fait il passe auprès de des petits indigènes poilus là. Je sais pas, vous voyez ou pas? Alors, parle plus près de ton micro. Si pardon. Vous voyez ce film ou pas les gars? Les petits indigènes là. Non, vous voyez pas? Bon. En gros, ce robot il passe pour un dieu pendant que ses potes ils sont capturés et ligotés. Pas cool hein, quand même. Vous vous souvenez pas de cette scène les gars? Putain, oh. Les gars. Alors là, scène. Pourtant. Et alors, les petits indigènes, pour... voilà, parce qu'ils sont tout petits, hein, et on dirait un peu des petits oursons de Lu quand même. C'est Star Wars. Ah bah, c'est Léo qui l'a. Ouais, moi, ouais. Star Wars 6. Alors, est-ce que tu pourrais le crier ou le dire ouais. aussi C'est Star Wars. Ouais, non, mais la prochaine fois. Un point pour Léo. Est-ce que tu pourrais crier mon nom? Non, pardon. Mon nom. Tant que j'y suis, qui veut une bière? Ah bah moi je j'en ai encore, une. Merci. Moi j'en veux bien une. Ok. Je vais continuer mon jeu. Ouais. Vous êtes prêts? Alors c'est ce film où il y a une meuf qui clash un marchand de légumes. Alors c'est pas tout le film. C'est Amélie Poulain. Ouais. Putain, mec, ça m'a gâché mon jeu. Vous voulez que je lise la suite ou non? Ouais, si, vas-y, ça peut être très drôle. Ok. Mais si, c'est ce film où il y a une meuf qui aide un aveugle à trouver son chemin. Là, ouais. Plus facile. Et enfin, mais si, l'employé de légumes, l'employé du marchand de légumes, il a une main atrophiée et il passe pour une grosse victime. C'était Amélie Poulain. Sans pas Jamel. Il a 3 points Léo, donc 4 maintenant désormais. J'adore le cinéma. J'adore le cinéma. Fabien, va falloir redresser la courbe un peu hein. Je parle d'un autre film. Ça vous vas-y, va vas-y, vas-y. C'est ce film avec un mec qui fait une crise d'épilepsie. Et ah oui si. Et il y a aussi des singes à un moment. Alors c'est pas tout le film hein, mais il y a un moment il fait une crise d'épilepsie bon voilà. Vous voyez pas? Non. Ok. Il y a aussi un gros bébé à la fin. Genre plutôt balèze. Ah 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Oui. Ah. Fabien, plutôt Fabien. Hein. Ouais. Moi je l'aurais accordé à Fabien. Je m'en fous, j'aime pas celui. Alors t'as dit combien de fois ça c'est qu'un seul point là non, le gros bébé ils ont trouvé donc c'était 2 points. Okay. 2 points, très bien. Alors, on continue. Oui. C'est un film, il y a un ascenseur, il fonctionne pas très bien. Genre il fait un truc bizarre à un moment. Bon, c'est pas tout le film non plus. Hein, non, c'est moi je me souviens de cette scène là. Mais en fait, il fait un truc bizarre, mais c'est peut-être pas pour de vrai, je sais plus. Je me souviens plus en fait. Après, ah bah c'est le c'est alors c'est écrit comme ça là vraiment tu l'as écrit. Ouais ouais, c'est le synopsis halluciné. Pour pas c'est copié-collé. C'est exactement ça. Le personnage principal, pour que vous compreniez, il écrit un livre mais il est pas ultra inspiré donc il s'énerve un peu sur sa machine à écrire, genre il pète un câble quoi, vraiment. Ah mais c'est pas Shining. Si, c'est Shining. Bravo. Et il y a un gamin qui fait du tricycle. Ah, tu mets que des films de Kubrick aussi. ça fait que Fab tu as égalité avec Léo maintenant. Ça fait 4-4. C'est fou ça. Il est excellent. Ça vous va? Il vous plaît ce jeu? Oui. Moi, oui. Oui, beaucoup. Super. Ça vous plaît le public? Là, vous êtes chaud. Ouais. Allez. Wow, on dirait que vous êtes 20. Ouais. Allez, on continue. C'est le film où, à un moment, les deux héros, ils sont dans un parc. Alors, c'est vraiment un moment. Il y a de la neige. Et l'un, il lance une boule de neige. Et l'autre, il renvoie pas. Mon enfance. Oh, les gars. C'est mon enfance en hiver, oh, ça, avec mes voisins. Vous voyez pas? Oh, le film. Non, bon. À un moment, t'as une scène où un gars il verse de l'eau chaude sur les jambes d'un autre, mais ça va, il a pas mal en fait, ça va. Intouchable. Ah oui, ah, bon, bon. C'était intouchable, ouais. Et le personnage principal, celui qui est pauvre, hein. Gang, gang. Pas celui qui est riche, parce que voilà, et parce qu'il peut pas se lever en fait, celui qui est riche. Il danse sur Earth, Wind & Fire. Voilà, c'était le dernier. Donc ça, alors, attends, deux points pour Léo. Pour intouchable. Ouais. Pour intouchable, très tout bien. À fait. Dernier, avait... dernier. Dernière, oh, putain. Donc dernier. C'est le moment la de pression, faire une... Alors on est un peu con parce que du coup il peut y avoir une égalité là. Ah ben. Bah on se départagera sur ton jeu. Voilà. Alors, tu veux pas animer plutôt le podcast si, allez, j'ai pas du tout de système de points sur mon jeu par contre. Hein, on fera gaffe. On se mettra bien. Voilà. Alors. Trop fort. Je vais vous parler d'un film. Mais si, en fait c'est ce film. Vous savez, c'est ce film là où il y a deux gars. Ou un gars, je sais plus en fait, je me souviens Fight plus. Fight Club. Enfin, allez, bah, je crois qu'il a gagné, hein, vraiment. Tout. Je crois que t'as gagné, Fabien. Yes. Je déchire tout. Ouais, bon, je avec finis un total pas. De... pour moi, je commençais avec une sonde dans une cuisine. Il y a vraiment y a de l'histoire la de vinaigre. Favorisation dans le choix des films, parce qu'il n'y a que les films préférés de Fabien. Bon, on a regardé dans sa liste de films préférés. Okay. Ouais. Ça DVD Tech. On a les chez lui. Bon, on va pouvoir passer au thème. Thème de Patrick Sébastien. C'est pas ton jeu. Après. Ton jeu, c'est après, du coup ? Mon jeu, ce sera après le thème, normalement. Ok. Ouais. Ce on fait pour répartir. Donc, comme ça fait 7 à 6. Pour l'instant. Et oui. Pas 7 à 8. Avec, avec Thomas Hugues. Donc, un thème qui est un petit peu large, quand même. Un peu particulier, aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Il est foufou, hein, ce soir. Ouais. Wiz, ça va ? Déchaîné. ouais, c'est un thème un peu particulier, parce que, du coup, c'est on long. A un peu une liste de ces films qui nous ont marqué, on va dire, et sur plusieurs thèmes particuliers. Ça va ? Putain, il a encore, t'as encore dit qui ? Il a fait quête. Oh, qui quête ? On va l'enlever. Cell 5 ! Il s'arrête jamais. T'as bien fait. Donc, on va les faire un par un et on va débattre un peu dessus. Et ce sera l'occasion de se marrer un bon coup. D'abord, on de va se marrer la tronche. Waouh ! Sans taper une bonne tranche. Yes. On commence par le premier qu'on avait noté. C'est ce film que vous avez regardé en boucle quand vous étiez petit. Alors, pour vous, ça serait quoi, par exemple ? Alors, Léo ? Vous pouvez interagir. Alors, Wiz, qui le connaît par cœur, là. Hein. Vous pouvez interagir dans le chat si jamais vous avez vos propositions. Moi, je t'avoue que le film que je regardais en boucle quand j'étais petit, j'ai un énorme doute. Vas-y. Ah, mais il peut y en avoir plusieurs. Hein. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, à chaque réponse, j'en ai au moins deux, je t'avoue. Pareil aussi. Hein. Mais je crois, dans l'eau, je crois, je suis sûr qu'il y a Star Wars, parce que j'ai beaucoup trop regardé Star Wars. C'est arrivé super tard, moi. Et je pense qu'il y avait les films de Louis de Funès. Parce que je sais que mon père me les a montré très jeune et j'étais un peu de droite quand j'étais petit, donc ça me faisait rien. Quand il était de droite. Après, j'ai vu que les gens en profitaient pas tellement, mais. Non, je crois que j'ai beaucoup regardé Roger Rabbit. Pas du tout. Ah putain, alors que ça faisait un peu peur, moi je. La fin m'avait un peu. Christopher Lloyd, c'est ça ? Oui. Avec les yeux qui tourbillonnent et. Enfin, à la fin là, bref. Ça m'avait un peu traumatisé. Mais ouais, je crois. Enfin, en vrai, en majorité, je pense que c'est Louis de Funès. Genre la grande vadrouille, j'ai dû le mater 100 000 fois. Ouais, c'était plus élevé. Alors que ça fait pas 100 000 jours. 100 000 que ouais. Mec, waouh. J'ai compté. C'est énorme. Moi, c'était un Disney tout à fait random. C'était Bernard et Bianca 2. C'est pays des kangourous. Et mon frère, qui est déjà passé dans Powercast, pour en attester, je me le passais genre 8 fois par jour. Enfin, quand la cassette était finie, je la remettais au début et c'était reparti pour 1h30 de alors, aventure. Les samouraïs et Pizza 4, c'est ça aussi. Ah ouais, il y a les samouraïs et Pizza 4. Attends, mais j'ai un autre truc, c'est que sur Mixer, donc on débarque sur Mixer avec Turbo Rire 2000, et on a Connor Gaming XL qui s'abonne. Mais non, mais je pense c'est un pote ninja. C'est un pote à ninja. Il nous dit hi et après il a fait oh. Je pense qu'il a rien compris à ce qu'on racontait parce que c'est vraiment pas. Ça va, ah non, j'ai peut-être une hypothèse sur qui c'est. Mais enfin bref, on ok, pardon. On donc voit Bernard le masque de Zoro, de... ouais, Samouraï et Pizza la rafiesse, méga bonne ambiance à la maison. Très bien. Putain, toi, ça serait donc les films de Louis de Funès. Je crois que Fabien, c'est pareil en plus. Ouais, clairement. Ah ouais. Vous deux. La soupe aux choux, tout ça, enfin. Oh ouais. Et ben alors, vous étiez dans les années Jacques Chirac. Ok. Qui nous écoute. Eh hey, les pommes. C'est trop Chirac ça. Yes. Donc toi, ton. C'est pas trop Chirac. Alors moi. Ouais, on enchaîne, crac, crac, on, enchaîne ouais. On enchaîne pour éviter qui croit qu'il est drôle. Oui, il est marrant. Moi, ça serait le film. Alors j'avais deux trucs. Donc déjà, j'avais Toy Story. Parce que bah, quand okay. J'étais petit, évidemment. Et j'avais le film Tais-toi avec Gérard Depardieu et Jean Reno. En fait, mon père l'avait gravé sur un DVD et on le regardait très souvent. Et voilà. Surtout en voiture et tout, sur le lecteur DVD portable. Et vous mettiez des films de grands, en fait. J'étais le seul qui matait des Disney. Enfin, non, t'avais Toy Story. Mais... Ouais, j'avais Toy Story. Oh. Yes, bah. On vous ferez ça pour les jingles plutôt. Voilà. Et toi, Jules? Bah j'ai dit Bernard et Bianca. Ah, pardon, il m'écoute pas. Baston. Il me chie dessus, il m'écoute même pas. Crie pas, t'es très très fort, t'es bien plus fort que tout le monde. Je suis tout rouge. Ce film qu'on vous a interdit de regarder en étant petit. Beaucoup de Marc Dorcel. Ouais, bizarrement. Majoritairement même, ça. Même maintenant, tes parents sont pas fans quand tu vas faire dans le salon. Maintenant, des fois, on se fait des soirées. Ouais. On va à la cinémathèque et on réserve. Ah ouais. Toute la collègue, s'il vous plaît. Non, moi j'ai pas de souvenir de film qu'on m'a interdit formellement de regarder. Et bah, moi non plus. Moi j'en ai pas trouvé non plus. J'en avais vous ? Moi j'ai le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, putain, Seigneur des Anneaux, quand j'étais petit, on m'a interdit de regarder parce que. En fait, c'était notamment la scène de. Bon, spoiler. Boromir qui se fait tuer par un Uruk-hai. Et tout ça, enfin, et les Uruk-hai qui auraient pu me faire peur quand j'étais petit, et voilà. Putain, d'ailleurs, j'étais à Paris la semaine dernière, cette semaine, je suis allé voir l'expo à la BNF sur le Tolkien, et si jamais il y en a qui vont apparaître, quoi, c'est génial. Ah bah, attends, et franchement, en 3 heures. Et c'est combien l'entrée? C'est 11 balles pour plein tarif et 9 pour étudiants, je crois. C'est au chapeau. C'est au chapeau. C'est pas très cher. Et en 3 heures, j'ai pas fini. Et qu'est-ce que t'as vu? Tout. Tout. C'est-à-dire que c'est la jeunesse de tout ce qu'il a créé et de tout, comment ça l'a inspiré, comment sa vie réelle l'a inspiré, comment il a créé le Hobbit, la Suisse Montréal, c'est dans des années, des anneaux, pardon, et tout ce qu'il crée aussi à côté, et voir aussi qu'en plus d'être écrivain, c'est un superbe dessinateur et peintre. Et c'est lui qui a fait toutes les illustrations de Hobbit et c'est des anneaux dans les premières publications. Est-ce que tu conseilles le biopic sur Tolkien? J'ai pas vu. Il paraît que c'est pas ouf. Ouais. Ah merde. Okay. Ah ouais, j'ai entendu que c'était pas ouf. Ok. Il faudrait que je le vois. Vous autres, ouais. Toi, vous n'en avez pas. Moi, c'est. Je crois qu'il s'appelle Van Helsing, c'est le film de Jackman. Ah non. Putain, il est génial! J'ai pleuré. Quand il est sorti, je me souviens, j'ai un souvenir de mes parents qui le regardaient. Ils me disaient, non, ça, regarde pas ça, Fabien, ça fait peur. C'est vraiment de la merde. Je le regardais en boucle. Préservé en fait. Alors, j'étais plus jeune que toi, du coup, mais dès qu'il est sorti, je le regardais en boucle. Non, on le regarde pas. C'était un de mes films préférés. C'est vrai que c'était. Quand je l'ai vu, c'est trop cool, quoi. Moi, il comptait pour une réponse d'après. Ah, ouais? C'est bien. Non, mais il a bien vieilli en plus. Ah, bah, juste, bon, je l'ai revu il y a pas longtemps, mais je trouvais que ça avait un peu mal vieilli. C'est un débat qu'on se regarde. Attention, hein. Bon. Mais Hugh Jackman en Van Helsing. Ouais. Oh là là, ah, on a. Et on la a... coupe mulet. Incroyable. On a Anna aussi qui avait Le Seigneur des Anneaux, un film qu'on lui a interdit. Pas je comprends, vous c'est bizarre, on a South Park aussi qui a été interdit. Le film South Park. C'est compréhensible. Bah, même le film. Ouais, j'imagine. T'as des enchaînements de gros mots. Ce film qui vous a déçu à sa sortie. Cette année, il y a Us. Ah ouais, moi aussi. J'en attendais beaucoup parce que j'ai adoré Get Out et la bande-annonce, c'était genre une des plus belles bandes-annonces que j'ai eues depuis longtemps. Et le film était vraiment plat, quoi. Moi j'aimais bien le côté effroi, mais l'histoire pour moi ce n'est pas. Ouais, et puis mis à part la scène de danse slash combat qu'il y a vers la fin, je trouve le reste du film. Et, moi j'ai pas eu peur, c'était plat, ouais, comme tu disais, l'histoire est pas. Il n'y a pas dans. Je sais pas, il n'y a pas de grand. T'as pas eu peur pour Get Out. C'était pas, mais c'était pas un film d'horreur, c'était ambiance, j'étais stressé. Bon, j'étais, moi disons que j'ai aimé les deux familles dans la maison, et après. Sans spoiler, Sans spoiler, j'essaie de rester très évasif. Et le Hobbit aussi, je viens de lire. Parce que ouais, je suis grand fan de Seigneur des Anneaux, mais le Hobbit ça m'a blessé. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre, j'aurais pu le mettre. Ouais. Bah, partout. Que Clément Moi j'en ai plusieurs. Ah, Je vais passer mon petit. Râleur, énorme râleur le gars. Ouais, 50% râleur. C'est vrai, quand même drôle et sympa. Ouais, pour le reste. Moi j'avais Justice League déjà. Ah bah c'est une grande déception quand même, j'en attendais beaucoup, malheureusement, je sais pas pourquoi. Y a L'Homme qui tue à Don Quichotte aussi, le film de... Oui mais ça, après on pouvait que être déçu. C'est quoi ça? C'est pas Lost in La Mancha, c'est pas le même truc? C'est justement, Lost in La Mancha, ça parle de la production de L'Homme qui tue à Don Quichotte qui s'est jamais fait. Ah d'accord. Et l'an dernier, il a enfin sorti son L'Homme qui tue à Don Quichotte. Avec Adam Driver. Parle un petit peu plus près. Pardon, excusez-moi. Donc il l'a enfin sorti après 20-25 ans de bataille où genre le mec, il a recommencé trois fois le tournage. Il a changé d'acteur trois fois, il y avait Jean Rochefort. Ouais, Jean Rochefort devait faire... José Garcia juste après. Et mais et je suis d'accord avec toi. Et en fait, ouais, parce que moi, je l'avais attendu. Enfin, un petit peu, quand tu dis que c'est un projet qui date de 30 ans et que le gars a toujours voulu le faire et enfin il l'a sorti, et là, tu fais. Mais enfin, c'est aussi justement, je pense que la déception est liée au fait qu'on l'attendait tous depuis. Mais c'est pour ça qu'il m'a pas forcément déçu parce qu'il est mauvais, mais il m'a déçu. Toutes les attentes que j'avais. Alors que Justice League, j'avais beaucoup d'attentes, mais c'était quand même vraiment de la merde. Ouais, voilà, ouais. Ça, oui, j'ai à le redire. C'est pas ouf, le même problème qu'avec L'Homme qui tue Don Quichotte. Ouais. Mais après, L'Homme qui tue Don Quichotte, même s'il est décevant, parce que c'est un projet qui est plus vieux que nous, donc forcément, c'est un truc qui était colossal, je trouve hyper intéressant visuellement. Quoi. Ah c'est... oui. Par contre, il y a plein de qualités, mais il m'a déçu sur l'attente que j'avais. Oui, évidemment. Sur le côté j'étais allé le voir avec Anna d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle elle est triste. D'ailleurs, elle s'est corrigée, c'était pas Science des Anneaux, c'était Science des Agneaux qu'elle voulait dire. Ce qui est beaucoup plus. Pour interdit petit. Et j'avais ensuite Valérian aussi. Je sais pas si vous l'aviez vu. Ah, je l'ai pas vu moi. Mais je m'en foutais un peu moi. Moi je m'attendais pas à un truc exceptionnel. Bah moi j'aimais bien l'animé et la musique de la bande annonce. Tu connais ce groupe ? À l'époque j'aimais bien l'animé Valérian et Laureline et la BD aussi, je sais pas du tout. Bah c'était pas mal et je me suis Luc Besson a vraiment un peu chié dans la colle. Après je veux pas défendre Valérian parce que j'ai pas d'attache. Mais pareil, c'est le scénario est peut-être simple dans le sens où c'est une ligne droite et on y va. Mais en attendant, c'est une chouette aventure visuelle. Parce que c'est hyper. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu. J'aime pas Luc Besson, je le défends pas. Mais ça faisait Star Wars quoi. Enfin, il y a justement des explosions quand ils partent en vitesse lumière. T'as une explosion de nuages de fumée multicolore en plein milieu de l'espace. Ça, c'est super beau. Ouais. La scène du marché avec les lunettes où tu cours dans un désert. En vrai, il escalade des trucs et tout. C'était hyper cool. Stylé, ouais. Donc, à voir sur le grand écran, c'était chouette. Après, c'est vrai que c'est pas un film à revoir quoi. Ouais, c'est... je le reviendrai. Et le passage de Rihanna, est-ce qu'il vaut le coup? Non. Alain Chabat en pirate de l'espace, ça par contre, c'est le meilleur passage du film. Ça, c'est sûr. De loin. Heureusement. Vous êtes Odile Doré Attends pas votre sœur. Vous êtes un mime, espèce de con enculé. Il dit ça dans le film, ouais. Un peu violent. Et attends, j'en ai juste un petit dernier. C'était Fantastic Four. Voilà, bon, voilà. Alors lequel? Le remake. Oui, le remake. Moi, j'en attendais rien. Du coup, j'ai pas été agréablement surpris, mais j'ai fait. Ils ont juste détruit le. J'ai fait je vais me doucher. Enfin, je sais pas. Continuer ma vie. Ouais, voilà. Moi, le film qui m'a déçu, c'était Justice League aussi, comme toi, Clément. Énorme déception. T'as été déçu par Justice League? Je sais pas si tu l'as déjà dit 4 fois. Oui, maintenant que tu le dis, j'ai été assez déçu par Justice League. Et par ce qu'ils ont fait de tout. Catastrophe de production. Comment changer un Batman cool en un Batman nul à chier. Enfin, voilà quoi. Une moustache maquillée à la Zub. plein de choses, enfin franchement, et vous allez retrouver ce film dans un futur ce film qui, parce qu'il a fait autre chose, et enfin j'étais hyper déçu, parce que j'avais adoré Batman v Superman. Et là je vois qu'il y a quelqu'un qui dit Hellboy le nouveau, et je sais pas si vous l'avez vu, parce que moi je l'ai pas vu. Je voulais savoir ce que ça donnait. En R-rated du coup. Et apparemment c'était vraiment pourri du coup. Moi je l'ai pas vu non plus, on m'a dit que c'était bien de la merde. Je l'ai avancé rapide. Ah c'est cette personne. Ouais, à ce moment. La personne qui commente est l'une des personnes qui m'a dit que c'était bien de la merde, donc peut-être que ça compte pas. D'accord, parce que je trouve le visuel cool, mais bon. Après, c'est chiant. Enfin, le Hellboy était stylé en soi, mais ça a l'air un peu. Ça avait l'air badass, ouais. Mais c'est pas Del Toro, quoi. Ouais, c'est évidemment ça. Évidemment. Oui, mais ça aurait pas empêché que ce soit bien, mais ouais, voilà, c'est nul. Ok. Bon, j'en avais un. Oui, vas-y. J'ai vu cette année, l'année dernière avec toi, c'est The Sister Brothers. Ouais, vous avez été déçu. Ouais, énorme attente. Ouais. Et C'est qui déjà? Jack O'Dear. Jack O'Dear, avec Phoenix. Je vais dire Gondry. Il est. Ouais. On attend que le film démarre pendant le début du film, c'est génial. La scène d'intro, elle est magnifique. Et enfin, j'étais toujours dans l'attente. Tout le film, j'étais dans l'attente. Ah, il va se passer un truc. Et après, je pense que c'est. Après, il y avait faut un côté voir comme aussi, ça. Faut pas voir un film. Ouais, c'est un film posé, c'est un film à ambiance. Il y avait justement quoi, un mélange qui est aussi intéressant. Du cinéma d'Audiard qui est quand même très familial, très français, très proche, machin. Et du western qui est un truc gros d'aventure. Et de combiner ça, c'est vrai que c'était chouette à voir cette histoire des deux frères en plus qui sont hyper bizarres. Il manquait clairement un truc pour. Oui, clairement. Ouais. Peut-être un petit après truc, par contre franchement au niveau de l'image c'est une leçon, c'est magnifique incroyable. Puis même les jeux d'acteurs et tout, je connais des gens qui ont travaillé dessus, ils me racontent comme la rediff de Spoilercast d'ailleurs. Oh le mec. Oh, ça va tranquille. Et on nous dit Green Lantern aussi, mais bon, c'est comme Fantastic Four en fait, on en parle même plus. Ouais. Mais c'est quand même moi j'ai de l'affection, je les ai vus quand j'étais encore jeune, ça va. Je sais pas, mais tu vois que quand même lui fait des blagues là-dessus dans ses films maintenant, tu dis que c'est un point ou bon. Voilà. Je sais pas si je parle trop long ou pas. Non, c'était bien, ça va. Je me souviens que c'est pas mal. Ouais. Dites-le nous dans le chat, n'hésitez pas. On passe au suivant. Ouais. Ce film qui vous a fait pleurer comme une madeleine. Ça fait chialer. Oh, hein. Ça fait chialer. Vous avez pleuré. Tu t'es frotté les tétons quand on a dit ça. Ah bah, moi, tu sais, ouais, c'est quand il pleure. Dès qu'on parle de larmes. Moi, Oh là là. Eh bah vas-y Clément, tiens. Ah bah je commence. Bah écoutez. Pourquoi j'ai marqué. Il y a un problème dans ma liste, j'ai marqué Avengers. Putain, il s'énerve, chialer là, attends, personne le comprend. Putain, quand il va dans l'espace, ça fait de la bombe. Bah, il y a dû avoir une erreur. Quand il dit on va manger les chiens normal, là, tous ensemble. Non, non, alors par contre, j'ai mis Your Name quand même. J'ai jamais vu. C'est très très beau. C'est en fait, beau. C'est. Ouais, il était triste. Enfin, j'ai pleuré parce qu'il était beau, quoi. C'est quoi, j'ai pleuré parce que ouais, j'étais pas bien dans ma vie et perso. Non, et sinon, Coco aussi, de Gad Elmaleh. La blague qui ressort tout le temps. Mais oui. Mais on forcément, à chaque ouais. fois. Ouais, voilà, Coco est très très très très beau aussi. Et bah, je l'ai pas vu, mais j'adore le voir. Bah, je m'en branle. Tu vas pleurer comme une madeleine. Bon. Ok, bon bah, ok, j'enchaîne. Eh bah vas-y. Moi j'ai trois films qui à chaque fois me. Énorme chaleur, le gars. S'il te plaît. Non, bah. grosse tapette, le gars, il a pleuré dans trois films. Eh, moi tu me montres une photo de Clo-Clo, Charles, je chiale. De toute façon, je suis comme ça. Je suis un fleur de peau. Alors, Vas-y, lance tes films. Il y a trois films, moi, qui m'ont. N'hésite pas. Qui me bouleversent dans ma vie. Il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, évidemment. Qui est, j'aurais pu le mettre aussi. Qui est magnifique. Bah, il faut. Il paraît. Ouais. Mais c'est un peu dérangeant non, comme film. Non. Non. D'accord. Non, non. Mais ça fait chialer, c'est assez dérangeant. Ah, c'est... Après, il y a 500 jours ensemble. Tu sais que ce film. Ah, je vois ce que c'est. C'est par. Moi, attends, c'est une connerie, c'est par Mark Webb ? Ou pas du tout ? Oui, tout à fait. C'est avec Jeff Gordon-Levitt et Zoé. Voilà, ah, Chanel. Je vois ce que c'est. Ouais. Et bah, pas mais c'est 500 Days of Summer, machin. Ouais, c'est 500 Days of Summer. Qui est, bah, après aussi, j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans, je pense que c'est l'âge parfait pour voir ce film. Bien vu. Et il est très fort et très beau et très juste et il donne de l'espoir en l'amour. C'est pas vrai. Et le dernier, c'est Heure avec. Ah oui, oui. Et ben, il faudrait que je finisse un jour, j'avais bien aimé. Mais... Ah, moi, c'est. La personne c'est avec qui j'ai regardé, je me suis dit, bah, son nom. Mais de toute façon, c'est ouais, pas un film à regarder avec quelqu'un, je pense. Ouais. Je pense non, c'est un film à ça soit tout seul et ça. Mais Spike Jonze, il est très fort, je trouve, dans ses films. Il y a même Maxi Monstre qu'il avait fait avant. Ah oui, c'était lui, oui. C'était pareil, c'était super beau, super. Ça m'avait touché. J'ai bien que t'aies mis rappel, pleurer n'est pas pédé. C'est pas moi qui ai mis, c'est pas moi. C'est pas toi, pardon. Ah, bravo les modos. Bravo les modos. Qui s'occupe du boulot quand même derrière. Ah, ouais, quelqu'un derrière qui assure. Et je vois la ligne verte. Et ben beaucoup, celui-là, je l'ai vu et j'aurais pu chialer devant. Mais bon, attends, j'en Mais j'ai chialé devant Batman. Non, j'ai jamais chialé devant un film. J'ai jamais. Je sais pas. Mais je pense que c'est juste que ça m'atteint pas. Le format cinéma, tout ça. M'atteint mais pas tu assez. Tu voulais pas en faire ton métier? De chialer. j'en fais déjà un peu mon quotidien. Ouais. Non, il y a que des films en plus qui ont une portée émotionnelle beaucoup moins forte qui m'ont un peu fait monter l'émotion mais genre les tuches. Non, mais Star Trek Into Darkness, tu vois, il y a un moment j'ai fait c'est dur, tu vois. Mais Into Darkness, il est très bien. J'ai adoré moi. Les trois, ouais. Mais tu vois, ni la ligne enfin tous les films où on m'a dit si t'as pas pleuré devant ça, t'as pas d'âme. La ligne verte ou oui, bah, j'en sais après, rien. Tu peux avoir une âme de connard. Non, j'ai jamais vu la ligne verte, donc je sais. Bah c'est super, mais, ouais, mais ça fait pas chialer. Waouh, putain mec, quand tu cries par contre, on t'entend vraiment fort. T'es vachement plus fort que les autres, j'ai l'impression. Mais bah écoute, j'essaie de me mettre en avant. Il a un manque de confiance en soi. À toi. Et toi, tu chiales devant quoi, toi? Et toi, tu chiales ou pas? Chialeur, va. Je suis vraiment pas original parce que c'est Heure et Eternal Sunshine. Ah bah, mais, voilà. Mais mariez-vous, les gars. Pour moi, vous êtes les mêmes. On a bien fait de vous inviter ensemble. Eh, c'est mignon ce qu'on voit là. Bon, allez. Le gros pervers de. Alors, en parlant de chialer, ce film qui vous a fait vous chier dessus. Putain, moi, c'est ridicule. C'est ridicule? Ouais. Ah, vas-y. On a hâte de savoir. Spider-Man de Sam Raimi. Oh. Il est sorti en 2002. Il avait la gastro. Non, mais comprendre, en vrai. C'est qu'il est sorti en 2002 et je l'ai vu à sortir. Donc en 2002, j'avais 4 ans. Mmh. Et genre, mec, c'est la scène où j'ai eu peur, c'est ridicule. Hein. C'est vraiment, tu sais, le moment où t'as le gros plan, tu vois les picots sortir de ce doigt. Ah. Ah ça. Ça m'a foutu la mais je te jure une fois. Ah je pensais que c'était le bouffon vert. Moi, et justement en fait genre ça m'a foutu genre j'étais bloqué comme ça après et après t'as la scène justement où il devient le bouffon vert et il m'achète et là je dis c'est bon je me casse. Là je me chie dessus je sais pas clairement. Et après genre j'adorais ce film donc je le regardais de temps en temps mais à chaque fois qu'il y a la scène du bouffon vert genre je me cachais les yeux ou je coupais le son. Ah ouais. J'ai eu un trauma dur. Et William Defoe ça fait peur quand t'es petit enfin son visage. Il y en a dans tous les films dans tous les films il sourit en fait. Mais descend il a une tête de fou. Et il y a un autre film aussi qui m'a traumatisé, que genre j'arrive pas à voir, c'est le film The Wall de Pink Floyd. Jamais vu non plus. C'est pas un film hyper long. Ouais, hyper dur aussi. Il est... ouais. Moi, il m'a traumatisé. Ça m'étonne pas. Alors, voilà. je regarde la liste un petit peu, on nous dit... La piscine, c'était pour... Le grand bar, il voulait dire. Ah non, c'était une ref, c'était une ref à l'épisode où il est venu. D'accord. Dessus, ouais, oh, le mec, il s'auto-référence, le gars. Ça ouais. Va, là, au fond. Et on nous dit Pirates des Caraïbes, quand c'est sorti, les squelettes. Ah ouais. Et King Kong de Peter Jackson. La scène des insectes, ouais. Je valide. Scène des... ah oui, j'avoue, vraiment. Ouais, j'avoue, ouais. Ah bah ouais, là, mais je sais qui a écrit ça. Ouais. Voilà. Pour montrer que je connais des gens. J'ai des potes dans la vraie vie. Qui c'est qui n'a pas déclaré son. Bah vous trois. Peur, là Bah vas-y, toi. Qu'est-ce qui m'a fait me chier dessus, moi, à l'époque? Ah, je veux bien que tu dises le tien, parce que là, j'ai pas eu trop d'idées. Je repensais à Chambre 1408 quand je l'avais vu en premier. Enfin, la première fois. Il avait bien fait flipper alors qu'en fait revoyant il est plus c'est plus un thriller un peu plus finalement. Il fait pas tant peur que ça mais je l'avais vu quand j'étais petit, je devais avoir je sais plus quel âge mais je devais l'avoir sur mon ordi ou je sais pas quoi et je l'avais regardé et il m'avait bien fait peur quand même. Et il y a des trucs qui font sursauter quoi surtout. Et après un film d'horreur non j'ai pas eu trop d'idées. J'en ai plus pour la suite après pour les films d'horreur. Alors moi du coup j'ai. Vas-y. Il y a eu L'Exorciste que j'ai vu au collège je sais plus quand. Ah ouais. Et en fait, l'image subliminale de l'espèce de... Je sais pas ce que c'est, un diable où... t'as quelqu'un qui fait un espèce de rêve où il est dans la rue et il n'y a pas de son. Et t'as une image subliminale très rapide d'un visage. Ah, oui. Et cette image, ouais. Du coup, en la revoyant plus tard, j'ai vu que c'était pas la bonne tête en fait que j'avais en mémoire. Tu t'étais imaginé un autre truc, toi. Bah, j'avais vu la même base, tu vois, mais j'avais imaginé. Ça faisait 15 ans que tu voyais ta mère à chaque fois que tu kinésais, alors que c'était pas du tout elle dans le film. Waouh. Et je voyais William Dafoe. Et il y a eu ça, et il y a eu le film La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe, qui est pas incroyable, mais qui était. Oui, mais il est sorti quand on était jeune, donc. Ouais, et en fait, je l'avais vu dans la maison de ma grand-mère, j'étais tout seul. Bah, déjà moi, je me serais chié dessus. Bon, bah, déjà, grosse connerie, ouais, voilà. Et tu sais, une maison qui grince vachement, c'était dans. Okay. Voilà, oh, bah, casse-toi en fait. Dans le Beaujolais, ça, on a peur. Voilà. Okay. Et toi, Fabien? Et bah, moi, pour rebondir, c'est Van Helsing encore. Ah bah! Vous l'avez vu? Le film maudit qui a fait ça fait 22 ans. J'ai des cauchemars dessus quand j'ai vu. Ah ouais? Les effets spéciaux, ça fait peur. Mais ouais, à l'époque, je trouvais que c'était trop bien fait, quoi, les papiers et tout. Putain, mais ça me faisait pas flipper, justement, moi, j'adorais. Flipper. Il y avait un côté marrant un peu dans le film, j'ai l'impression. Donc, ouais, bah, c'était tellement badass assumé que ça en devenait. Ouais, ouais. Moi, je sais pas, c'était bon, allez, envoyez. Ouais, voilà, bon, allez, je prends. Pour moi, c'est Bloodsport avec des vampires. Et plus récemment aussi, il y a eu une scène dans Conjuring, vraiment une scène seulement qui a fait vraiment peur dans le film. C'est un moment où. Conjuring le premier. Dans le premier. Ouais. Ah, putain, oui, il était bien flippant. Ouais, il était bien flippant. Était vraiment, cool. Pour moi, il y a une scène que j'ai trouvé vraiment. Ça, ils m'ont eu quoi, clairement. Mm. Et c'est le moment où la famille se fait vraiment emmerder par le démon. Attends, on parle de quel film là? Conjuring. Ah, j'adore. Et vraiment à génial. Un moment, ouais. Super, ouais. Même ils sont en train de la chercher et il y a la porte de l'armoire qui s'ouvre. Du coup, ils pensent que c'est à l'armoire et au final, c'est au-dessus de l'armoire. Et tu sais vraiment, que mec, c'est au-dessus de l'armoire, vraiment. Mais ça, c'est tout à fait James Wan, il fait toujours ça. Il a toujours supposé que ça sortait. C'est là, et non, après... c'est pas là, c'était là. Et hop. Mais t'as que le pire, c'est que genre, moi, quand j'ai vu ce film, c'était une semaine où j'étais chez mon père, donc le soir, je rentrais chez mon père, et dans ma chambre, chez mon père, j'avais une armoire qui était similaire, mais genre vraiment à celle qu'il y a dans le film. Et je te jure, je me couchais, je la fixais, et genre pendant bien 2 mois, je pense que. Tu te branlais. Ouais, carrément, mais sur à longueur de nuit, je pouvais pas m'arrêter. C'était une frénésie. Moi, je repensais juste à un film aussi que j'avais vu un peu trop jeune, je pense, c'était Morse. Du coup, j'adore. Là. Et je l'avais vu, je pense, au collège, je crois, j'étais allé le voir avec. T'as vu le remake, du coup, la version suédoise? Non, la version suédoise. Ouais. Collège au ciné, ouais, j'ai inventé un concept. Et ouais, j'avais dû aller le voir avec ma classe de collège, je sais plus à quelle année, et je l'avais vu peut-être un peu trop jeune, et ça m'avait un peu traumatisé quand même, j'avais pas trop aimé. Okay. Voilà. Et on nous dit Ju-on, donc c'est non, c'est celui c'est avec. C'est The Grudge. The Grudge, The Grudge. Ouais, The Grudge. Peut-être, ouais. Je crois que c'est ça, c'est la version de la première version. Okay. Et le Petit Poucet avec l'ogre. Ouais, et bah alors ouais. Quoi moi aussi, enfin, j'avais un peu flippé de. Ouais, il y avait un film Le Petit Poucet. Ah, je connais un mec qui a bossé dessus. Ouais. Ah, j'embrasse une petite à Jean-Marie, il s'appelle. Et bah c'est le père du dessinateur Bastien Vivès qui a bossé dessus. Et voilà. Ah, d'accord, ok. Et ouais. Tu connais Bastien Vivès? Hein? Oui, je le connais. C'est vrai? Ouais, j'ai fait. Bah, je le salue. Parler, hein. J'ai fait des vacances. En fait, mes parents connaissent ses parents et okay. J'ai fait des vacances dans sa. On va dire sa résidence d'été. Et tu veux pas l'inviter au podcast? On s'est pas vu depuis bien 15 ans. Et bah, justement, c'est l'occasion. Et non, je le remercie pour m'avoir prêté sa GameCube pendant tout ce temps d'ailleurs. Ah putain, pendant ses vacances. On enchaîne avec le suivant. C'est ce film que vous n'avez pas pu finir parce qu'il est nul. J'en ai un qui me vient à l'esprit tout de suite. Vas-y. Mortal Engines. J'ai trouvé ça. Et eh ben, ne le regardez pas, ne perdez pas votre temps. Putain, mais le concept est vraiment trop nul cool alors. Ouais. Bah ouais, exactement. Peter Jackson. Et en fait, ta hype, ouais. Au fur et à mesure que tu regardes le film, elle fait. Et à la fin, tu t'arrêtes. Enfin, non, pas à la fin, au milieu, tu t'arrêtes. Ah ouais, carrément. C'est putain. Avec le mec qui. C'est avec Hugo Weaving, c'est avec ouais. Le mec qui joue. Non, mais il y a un dans bon Misfits aussi, il y a le mec de voilà, Misfits. Et Klaus dans. Oui, oui. Aussi Klaus dans Umbrella Academy. Et c'est. Je saurais pas te dire pourquoi, c'est chiant à mourir. Ah ouais, putain. C'est aussi simple que ça en fait. Mais c'est pas. Ouais, je sais pas. Tu te fais chier très vite. Et... Mais bah si, regardez-le, comme ça vous saurez de quoi je parle. Non, c'est bon, merci. Perdez une heure et demie. Vas-y, ouais, continue. Jean-Michel, à vous. Je vois quelqu'un qui met tous les films de la Nouvelle Vague, je suis grave d'accord. Attends, ah ouais, tous les films de la Nouvelle Vague, vous êtes d'accord avec ça? Je déteste Godard. Oui, c'est vrai que. Alors moi, le film que j'ai pas pu finir, parce que je trouve nul, mais c'est. Vraiment hyper subjectif parce que les gens adorent ça. C'est Les Parapluies de Cherbourg. Jamais vu. Okay. Jamais vu non je plus. Je déteste ça. Et qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est. C'est une comédie musicale. Ah, c'est vraiment les gens passent leur temps à chanter même quand ils disent bonjour, ça va. Et c'est insupportable. J'en c'est ça, Singing in the Rain ou ça a rien à voir? Non, ça a rien à voir. Ça, c'est français, Les Parapluies de Cherbourg. C'est celui qui a fait aussi. J'ai oublié son nom, celui qui a fait Demoiselle de Rochefort. Jean Rochefort. Pas du tout. De Rochefort, attends, c'est celle de Demoiselle Rochefort. Ouais, ouais, si, Demoiselle ouais, non, c'est bon, ouais, tu l'as, mais. Et voilà, et du coup, Les Parapluies de Cherbourg, j'ai jamais pu. Je crois que j'ai tenu sincèrement 10 minutes. Et on c'est nous dit. Alors, ouais, non, on va pas citer. C'est un petit clash. Parce que bizarrement, il ouais, y a quelqu'un qui a pas pu finir Her, alors qu'on disait que c'était. Ah. Mmh. Oh, ah, bah c'est peut-être la personne avec qui je l'ai regardé, du coup. Si t'as pas pu finir Her? Bah c'est je disais ah oui. Que j'avais commencé à le regarder et que bon au final on s'est couché enfin tu vois on a dormi et machin et je l'ai jamais continué quoi. Okay. Non mais oui c'est pas parce qu'il était nul. Bon, il a pas trop kiffé. Et moi c'était le film Bright avec Will Smith là qui est sorti pas sur envie. Netflix. Ouais, tu sais, tu ouais. Oh, putain, ouais mais j'ai essayé. J'avais même pas envie quoi. Mais tu sais bah, que Will Smith maintenant quand je vois Will Smith quelque part c'est limite un malus pour le film. Enfin c'est une contre-affiche pour moi tu vois, c'est une contre-promo parce que il me saoule Will Smith un peu. Ouais, moi aussi c'est devenu un peu. Depuis Suicide Squad, je suis un peu saoulé. Non, depuis de... After Earth en fait. Ouais, ouais voilà, c'est ce que j'allais dire depuis After Earth, c'est devenu parce qu'il a ouais, forcé M. Night Shyamalan à faire un film tout pourri de scientologie. Et mon fils. Et ouais, mettre son putain de gosse de merde. Voilà. Ouais, non, mais du coup, j'avais tenté et puis pas pu finir quoi. C'était pas ouf. Mais on attendra que Will Smith, pour son fils, a fait une reprise hip-hop de Just the Two of Us. Et ça, waouh, c'est du niveau de Tony Parker et Booba. On peut dire voilà. Que son fils a ouvert un food truck pour les sans-abri récemment. Une bonne action, voilà. Wow. Pour on peut le souligner. Pour contrebalancer cette carrière de merde. On va enchaîner. Vous avez d'autres? Ah oui, vous en avez d'autres. J'avais vu récemment le dernier X-Men, Dark Phoenix. Ah, oh, ça avait l'air nul à chier. Ouf. J'ai bien aimé le passage du train. Les scènes d'action du train. De toute façon, X-Men, reste, ça fait trois films qui sont en perdition. En fait, c'est pas que je me suis fait chier, c'est que c'est incompréhensible, je trouve. Ouais, et puis enfin même, enfin les personnages, y a rien d'intéressant quoi. Attends, et du coup, t'as pas pu le finir? J'ai fait avance rapide quoi. Je me suis dit. J'y avais pas pensé, bien vu. Bah non, mais. Du coup, tu l'as jamais vraiment fini. Ouais, ouais non. Mais oui, c'est vrai que t'as des antagonistes, tu sais pas trop d'où ils viennent, ce qu'ils veulent. Enfin, c'est un peu très flou. Le personnage principal, Jean, il vrille d'une façon un peu bizarre. Mm. Le truc des aliens et tout. Enfin, je sais pas, non, j'ai pas. On se dit, tu vous fais chier les deux au fond là. Écoute, on est là. On recommence. Venez dire au tableau vos trucs là. Faut qu'ils fassent les malins là-bas. Alors, toute la classe, Timothée. Ce film qui vous a fait rouler des yeux car il est nul, mais genre. T'as fait comme ça quoi. T'as fait. D'accord. Ouais, yeah. Ouais, super. Bah, c'est le seul chino, je te bon, merci. Le film Van Gogh sur Netflix. Oh, avec Willem Dafoe. Ah, mais cool. Willem Dafoe encore lui. Ouais, il est bah, vraiment. Il est... Oh non. Ah, je voulais le voir, tu vois, je l'avais mis dans ma wishlist. Ah, je pense qu'il vaut le coup quand même d'être vu. Ah, moi, je le regarderai quand même. C'est français, non? Bah, c'est. Non, c'est pas français? Oui, si, si, ils ont tourné dans le sud de la France. Ouais, parce que Coco, elle a fait des renforts, je crois. Mais la prod, elle est. Ah bon? Alors, il faudra lui demander. Bon, mais... si elle écoute. Mais Souris City, c'est trop bien, arrête. Captain Marvel, Upside Down. Certains moments, ouais. Pas dans l'ensemble, mais ouais, certains moments. Upside Down aussi, je connais pas. Mieux à chier. Ouais. Ah, moi j'avais pensé direct à Mother de Aronofsky. Ah, je l'ai pas vu. Ah, non, ouais, c'est pas. C'est pas parce qu'il est nul, c'est qu'il est énervant. Mais j'ai autant détesté que toi. On est sortis tous les deux. Ouais, de mais la t'as, salle. Roulé, t'as roulé des yeux. Est-ce que t'as pas genre. Ah non, c'est pas qu'on roulait des yeux, c'est qu'on lâchait des gros doigts dans la salle. Ah ouais. Putain, mais fais non, mais pas c'est ça, bon, des sérieux. On a compris. La branlette. La branlette intellectuelle. T'as acheté ton popcorn, putain. C'est des surenchères. Ah non, mais ouais. Ok. D'accord. C'est vraiment, j'aurais écrit la Bible. Ouais, oui, c'est, bah, c'est ce que, ouais, c'est ce qu'on se demandait. Très bien. C'est, parle bien ton micro, Fabien. Moi, c'était Fantastic Four aussi, mais. Ah bah, voilà. Moi, c'est Roger Justice. Ah bah voilà. J'étais avec Manu qu'on a vu dans l'épisode 3 du. Bon anniversaire, Manu. Non pas celui-là. Merde. Manu Pro qu'on a vu dans l'épisode. Mais bon anniversaire. Et Manu Pro vient d'arriver en plus. Incroyable. On parle de toi. On parlait de toi. On parlait du film qui nous a fait rouler des yeux et je parlais de Justice League quand par exemple Wonder Woman dit. Oh là là, c'est vraiment des enfants, je travaille avec des enfants. On a vraiment roulé des yeux tous les deux et on a un peu cringe pendant tout le film avec Manu. Quelqu'un voilà. A dit Joker quand même. Ouais, là c'est grave. Hein. Mais il est là, hein, il est juste derrière. Ils ont le droit. C'est pas non plus. On va te buter. Est-ce que vous voulez qu'on appelle Emmanuel Anton maintenant qu'on en parle? Alors, est-ce que c'est une infrastructure facile à faire? Ouais, j'ai utilisé le mot infrastructure ce soir. Hein. Easy. Tu veux l'appeler? Tu veux l'appeler Léo? J'ai pas Léo réseau, par là. Ah merde. Personne n'a de réseau en fait. On est dans ton garage. On va tenter. Écoutez, la plupart des comédies et surtout juste. Les françaises, c'est quand même. Ouais, continuez de dire le chat. Ouais, on va essayer d'appeler Manu. Enfin, je sais pas, la cité de la peur. Non, je pense qu'il parle des récentes. Ouais, ouais, non, mais après, voilà. Genre Red Dingue. C'est son anniversaire. Ah, formidable. Oui, allô. Ouais. Bon anniversaire. Ouais, c'est la valise RTL. Oh, t'es en live sur Powercast. C'est vrai. Oui. Ah, bonsoir tout le monde. Ouais, bah, milliers de téléspectateurs qui doivent être 7. Incroyable. Attends, je coupe. Quoi? Incroyable. Tu dis qu'ils étaient 100. Ouais, ils sont 100, ouais. C'est vrai? Waouh. On est 12, wow. Manu. Ah, mais putain, présentateur inclus. C'est cool. Bah, depuis le premier épisode où t'étais venu. Non, c'est moi, ouais, je fais des petits tricks. On a doublé. Là. Alors c'est les invités qui ont voulu qu'on t'appelle parce que déjà c'est ton anniversaire et que voilà comme t'étais dans le premier épisode tu méritais de repasser un petit coup. Bah si tu veux, c'est vrai que je suis un peu. Non mais juste on est dans mon anniversaire maintenant. Non mais t'as lancé le podcast, t'es le parrain de l'émission. Voilà. Donc pour le début de la saison 2 on t'a. D'ailleurs j'ai Arthur pas loin vers moi mais il veut pas vous parler. Hein. Ah sérieux, je peux comprendre. Fais-le venir. S'il vous plaît, Arthur, je suis en direct sur Powercast là. Est-ce que tu veux dire un petit mot à Clément? Il y a. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, vous avez le bonjour des gens. Ok, des gens bah écoute. Ils m'ont dit qu'ils regarderont la rediff. Ah bah c'est gentil, yes. C'est super gentil. Vas-y, attends, deux secondes, je te mets sur haut-parleur. C'est un peu long hein, par contre. On a rétabli une série. Oui, allô, Arthur. Vous me recevez bien? Oui, super. Oui, très. Du coup, c'est quoi la question que posait Jean-Pierre Foucault? Ah, vas-y, on a pas beaucoup de temps, c'est faut ça que je pose une question? Oui, pose une question de Jean-Pierre Foucault. C'est parce que c'est Arthur. Arthur, est-ce que. Je suis Jean-Pierre. On passe dans un tunnel, on t'entend pas. Oui, c'est ça. Bon. Allez, gros bisous, merci. Bisous. Et attends, faut que je mette l'autre côté. Alors on est en retard, hein, je rappelle. Ciao, Clément, gars, comme okay. Rappelé, maintenant, pour la moitié du podcast, je change le Bob de côté. Ok, voilà, c'était Emmanuel Anton. Et ouais, son mon anniversaire, pote. On l'embrasse. Voilà, et il est parrain de l'émission. J'essaie de te remettre à un niveau à peu près correct parce que je merci. Vois où t'étais. Voilà. Merci, c'est gentil. Tac. Bon, on enchaîne. Bah oui, on enchaîne. Sans transition. Ce film aux effets spéciaux dégueulasses. Alors, je sens que Fabien va redire Van Helsing. Alors non, pas moi, mes yeux, moi pas je voulais dire. Mais non, j'avais vu il y a quelques temps Sharknado. Ah, mais c'est voulu. C'est rigolo, mais c'est dégueulasse. Quoi. Ouais. Moi j'avais un autre film avec des requins, c'était En eau trouble, qui est sorti il y a pas si longtemps avec. Ah mais The Meg. Ouais The Meg. Oui avec Jason Statham qui ouais, se ouais. Qui, voilà. Qui punch des requins. Les effets spéciaux sont dégueux alors. Ouais c'est vrai. Putain tu vois maintenant. Coproduction. Alors qu'il est vraiment de l'année dernière. Et j'avais trop envie de le voir. Pas été si déçu, mais bon. Non, mais j'ai pas dit que j'étais déçu, mais les effets spéciaux sont dégueux. Enfin, c'est vrai, alors c'est une grosse production. Ah, ouais. Voilà, un peu déçu. Bah, bien pareil pour une grosse prod qui avait carte blanche sur le budget, je trouvais que les effets spéciaux du Hobbit étaient vraiment pas ouf. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est un parti pris. Smaug est cool, mais genre. D'argent, par exemple, tu sais, quand ils sont dans la montagne et qu'il y a les montagnes de pièces d'or, tu vois. Et genre des fois elles glissent et tout, et genre vraiment tu vois dans le, tu vois que les pièces quand elles glissent, enfin genre l'effet raté, c'est-à-dire qu'elles glissent pas les unes sur les autres, mais elles s'enfoncent comme ça, c'est genre comme si t'avais un bug dans un jeu. Ah, j'ai pas vu. Ouais, moi ça m'a pas choqué. T'as le Hobbit qui antipose comme ça. Ils ont oublié. Non, mais après voilà, c'est quand même bien foutu, mais je sais pas, je trouvais que pour un film qui avait autant de budget, c'était quand même fait un peu à la va-vite. C'est le Assassin's Creed des films. Et Matrix 2, même si j'adore Matrix 2 et 3, les moments où ils sont en animation, les bastons et tout, ouais, ça fait au moins 10 ans que je sais que ça vit. Sur, oui, voilà, c'est mais... comme on nous dit dans le chat, la momie avec The Rock, c'est vieux, ouais, c'est, ouais. Tu vois, c'est ouais. Normal qu'à l'époque. Ouais, ils ont essayé d'aller un peu trop loin dans leurs effets spéciaux, ça a pas trop marché. Donjon ouais. Et Dragon, Gérard Dargon. C'est drôle. Ouais, okay. Moi j'aime bien, j'achète. Hein. Gérard Dargon. moi il y a eu Spy Kids 2. Que j'avais beaucoup vu à l'époque. Oui, oui, et j'avoue qu'il a mal vieilli. Hein. Les squelettes et l'araignée gorille, le cerf crocodile, là, tout ça, ouais. C'est très dégueulasse. Par contre, Steve Buscemi est toujours incroyable en Romero. Romero fait son zozo. je vous le donne en mille. Ok. C'est le nom de son zoo dans le film. Ah, ok, ok. Et toi, Fabien, t'as cité un truc ? Mais oui, j'avais dit Sharknado. Mais... Ah, oui, c'est vrai, pardon, c'était le premier. Excuse-moi, t'avais oublié. Non, moi j'avais. Une lanterne, mais bon. Ouais, bah. Oh, ouais, une si. Fois, bah, ils avaient décidé quand même de prendre le parti pris de faire son masque que en CGI, alors que vraiment un masque. Oui, c'est... Tu mets un masque, ouais, moi, c'est... Mais, ça passe, hein. Ouais, franchement, avec le budget. Même Orelsan l'a fait. Ouais, voilà. La moustache, quoi. Ouais, bah, un peu comme la moustache de. Ouais. Mais bon. La moustache, c'était pas un choix, c'est ça le truc. Ouais, vraiment, le masque animé, là, vraiment, le un masque, choix. Les gars, quoi. C'était quoi l'intérêt de faire un masque en CGI? Tu testes pas Green Lantern, c'est peut-être parce que j'ai un amour trop prononcé. Mais on a pas dit qu'on détestait, c'était les effets. T'as chié dessus, mec, t'as chié dessus. Ouais. Allez, on passe à la suite. Ce film qui vous a fait aimer le genre. Ah, je vous en pose une, je vous pose une colle là. Avec qui l'honneur? J'en ai vraiment plein. Putain, moi j'en ai. Je saurais pas dire justement. Moi j'ai deux sagas. Quoique, si, j'en ai un. Qui se lance? Bah, vas-y, Fabien, toi l'honneur. Alors, je pense que vraiment, si on monte le plus loin, ça serait Retour vers le futur pour la science-fiction. Ouais, formidable, super. Mais après, je pense. Enfin, après, j'ai tout de suite pensé au premier Matrix, au premier Star Wars que j'ai vu, et aussi à Alien. Pour la science-fiction. Donc, ouais, que pour la science-fiction, ouais. Ouais, bah, moi, c'est pareil, c'est gros fan de science-fiction. Du coup, c'est Star Wars et Retour vers le futur que j'ai vu hyper Star Wars, jeune. Ouais. Et qui m'ont tout de suite transcendé. J'ai, depuis, je vois que ça. Ce serait peut-être Star Wars et Alien, moi, tu vois, qui m'ont conforté là-dedans. Le premier Alien, une claque. Et par contre, dans un autre style, en horreur, moi, c'est Conjuring, je pense, qui pareil, m'a. Pareil, je me suis dit, bah putain, mais voilà, ça on peut faire des films d'horreur chambés, quoi. Des films d'horreur cool où c'est pas juste du slasher. C'est rare, ça. Et un peu entre les deux, entre science et horreur, La Mouche de Cronenberg aussi, j'ai adoré. Ah putain, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai cool. Mais Cronenberg, c'est chouette, j'aime bien ce qu'il fait. Je connais pas trop en vrai, mais je connais La Mouche. Bah, c'est souvent un peu perché. Pourtant, alors franchement, c'est pas très vendeur un film qui s'appelle La Mouche. Déjà, tu dis bon. mais justement, c'est pas vendeur qu'il a pris Goldblum, comme ça il sait que ça. ça rehausse, ouais, voilà. Exactement. Et pas Will Smith, parce que. Je l'ai chaud, quoi. Moi j'avais en comédie musicale, j'avais La La Land qui m'a vraiment fait aimer le genre, alors que je suis pas forcément fan de comédie musicale à la base. J'ai jamais vu. T'as pas aimé La La Land? J'aime beaucoup La La Land, mais je déteste les comédies musicales. Ouais, mais au moins, moi ça m'a fait aimer le genre comédie musicale. La La Land, je trouve pas que c'est une vraie comédie musicale. Oui, c'est justement ça qui est. Mais ça a contrebalancé. Et en post-apocalyptique, j'avais Le Livre d'Eli, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, oui, oui, j'ai bien aimé. C'est ça qui m'a lancé dans le. Et pas Mad Max. Pas la passion, mais. Ah, oui, non, mais c'est le premier que j'ai vu en post-apo. Et après, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait. Et t'as pas vu, comment ça s'appelle? La Route? Je l'ai vu, si, horrible, avec. Ouais, il est un peu triste. Hein. Avec Viggo Mortensen, je crois. Ouais, ouais. Je crois aussi. Très, très bien. Et bah, c'est pas mal, ouais. Du coup, c'est après. C'est Quentin qui me l'a fait découvrir. On passe à la suite. On en saute quelques-uns. Ouais, parce qu'on va faire la version courte là, du coup. Ouais, ouais, ouais. Bon, on se les garde pour une prochaine fois. Mais oui. Ce film qui vous a fait rire à chaque fois. Très bien. On garde, du coup, oui. Vous non, gardez on les on deux saute rires. Les deux autres. Enfin, les deux catégories rire ou pas? Vous en sautez une. Rire aux larmes, on le garde aussi, ouais. Ok, d'accord, tout va bien. On garde les deux. C'est pour savoir si je, du coup, je switchais. Ouais, non, là, on est rire à chaque fois là. Okay. Ce film qui vous a fait rire à chaque fois, bah toi Léo pour commencer. Qui me fait rire à chaque fois, il y a Sacré Graal de Monty Python. Ouais. Et Zombieland. Enfin, j'ai pensé à ça. T'as vu le 2? Il est pas sorti encore. J'ai des plein de potes qui l'ont vu en avant-première. Je crois qu'il était déjà sorti. Non, il sort mercredi. D'accord, bah moi j'ai des potes qui l'ont vu en avant-première. Il sort mercredi. On a dit beaucoup de bien. Tous au ciné, j'ai envie de dire. À vos ciné. Ciné au collège. Cool, édition 2020. Les collégiens là, allez voir du film. Allez voir du pellicule. Moi c'est Harold et Kumar Chasse le Burger. Ah, jamais vu moi celui-là. Et ben, moi j'ai beaucoup très, très de très bons souvenirs, notamment avec le personnage de face de cul. joué par. J'ai plus son nom. William Dafoe, on va dire. Non. Absolument pas. Wiz Khalifa. Putain, je retrouverai son nom. Je suis et désolé. Toi, Fab Ouais, c'est 117. Bah, moi je l'ai mis pour celui d'après. Ouais, ouais, pareil pour. À chaque fois, c'est 117. Ouais, les gens sont d'accord dans le public, apparemment. Ouais. On nous dit bah Astérix et Obélix Mission Cléopâtre que j'ai revu mais moi justement c'est pour après en fait. Ouais, voilà pareil ouais. Mais c'est clair qu'à chaque fois bah là tu vois je l'ai revu à la Altony Garnier putain t'y étais ouais. Et incroyable. On a vu Alain Chabat en vrai. Voilà, on a vu Alain Chabat en vrai. Très très belle séance et oui on rit à chaque fois et sur des nouvelles blagues à chaque fois. Et moi j'avais la Cité de la Peur aussi pour dans le registre pour à chaque fois quoi. Bah voilà, on nous le dit dans le chat. On nous dit aussi Story of Nothing 1 et 2. Et le bal des nazes qu'on a. C'est qui a écrit ça? Ouais, bah forcément. On chouchoute. Ouais, mais je le salue. Je viendrai te faire la fesse. Mais du coup, on. Et ben on va passer à l'autre, du coup. Ouais, voilà, parce que là, on rigolait à chaque fois, mais maintenant, on va rire aux larmes. Là, ouais. Et là, du coup, il y a beaucoup plus de niveaux. Ouais. Là, moi, il y a. Chialer, là encore, là. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Qui est incroyable. Ah, ouais. La Cité de la Peur, Astérix et Mission Cléopâtre et OSS 117.2. Voilà. Genre, c'est un peu le quatuor. Quatuor rire. Voilà, c'est ça. Je suis en train de chercher Scott Pilgrim, il m'a fait vraiment rire à l'époque. Toi, t'as fait rire, moi. Je trouve pas marrant. Il y a des scènes d'action de trucs trop cons, de répliques et de personnages qui se cassent la gueule. Trop efficace, je trouve, dans ce film. Ouais. Et moi, un perso qui se casse la gueule, mais quand c'est bien fait, ça marche super bien. Bah, dans Along Came Polly, je sais pas si t'as vu, c'est avec Ben Stiller. Non, et Philip Seymour Hoffman dedans. Et genre, il a une scène où il arrive en mode beau gosse et il se casse la gueule sur du parquet. Et ça, bah, si t'aimes ce genre, c'est génial. Comment tu dis? Along Came Polly. D'accord. Et en français, je sais plus comment c'est. Et ben, je l'écouterai en replay, je me le noterai dans ma. La Tropic Thunder, ouais, meilleure scène d'introduction. Ouais. Après le reste du film, je suis moins fan, mais l'intro avec toutes les bandes annonces, c'est incroyable. Qu'un autre film. Conquer me fait remarquer que j'ai pas dit Austin Powers, et c'est vrai que la trilogie Austin Powers m'a fait beaucoup rire. Pas aux larmes, mais rire régulièrement. Incroyable. J'ai jamais accroché. J'aime bien les 10 premières minutes, parce que je trouve ça marrant, parce qu'il y a toujours. Que toutes les meilleures blagues sont là et puis après c'est trop long. Ah ouais, ah, je suis pas d'accord. Ouais. Mais voilà, j'ai grandi avec les Robins des Bois, ouais, du coup ça m'a touché de ouf ce film. J'avais le DVD Moot. Oh, tu l'avais. J'avais la version rouge. Jolie collection. On enchaîne, on en saute un et on va passer à ce film qui vous a donné faim. Ah. Bah, putain, mais pour qui était. Attends, juste, je me permets parce qu'on a sauté ce film qui était trop dérangeant, mais je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu parce que c'est un film qui est pas hyper connu mais qui est génial. Ça s'appelle L'échelle de Jacob. Ah ouais, je l'ai vu. Et c'est incroyable et c'est hyper dérangeant, mais c'est extrêmement bien, il faut le voir. Ouais, donc on bien. Revient à votre. Mais il a fallu qu'on m'explique un peu 2-3 trucs, moi. Ouais, mais. Ok, donc c'est ouais. Bon. Voilà. Donc L'échelle de Jacob. Ce film vous a donné faim. Bon, pas L'échelle de Jacob. Si, clairement. Tempête de boulettes géantes. Avec risque de. Je sais plus comment ça s'appelle. Là, oui, de... ouais. Tu l'avais jamais vu ce film? C'est un film d'animation, c'est doit être DreamWorks ou je sais pas qui. Ouais, je crois. Et c'est l'histoire d'un mec qui vient une machine, en gros, arrive à faire tomber. Mais des... Jules, dis pas la rafle. Jamais. Alors, Jules, pas moi. Hein, non, un autre. Et toi, ça t'a donné faim, Tempête de boulettes géantes? Alors que, ouais. Oui, ah, si, moi, ça m'a. Bah, y a de la bouffe qui tombe de partout. T'as ah, moi, j'en ai un qui va peut-être te plaire aussi alors. Ah, oui, le 2, il y a plus de bonbons. Et pareil, Harold et Kumar 1, parce qu'en fait, toute l'histoire, c'est qu'ils vont devoir se taper une grosse aventure pour aller, en gros, se taper un McDo, mais c'est un White Castle, en gros. C'est et ça donne toutes les heures, ils vont devoir se taper une grosse queue. Donc... Oh, wow. Ok, on n'a pas vu moi, le même film. Moi, ça donne faim, moi. Vous aviez quoi, les gars? Moi, je me souviens quand j'étais petit, je regardais souvent La Grande Vadrouille. Du coup, il y a un moment où il a faim, il se lève, il va au Mont Charles et tout, il se fait un putain de plat avec trop. Et ça, cette scène m'a toujours donné l'eau à la bouche, mais genre instantanément. Je regardais ce film, j'avais faim à ce moment-là. Voilà. Et personne n'a dit la grande bouffe ou des trucs comme ça là. Non, mais je sais pas. Bah, moi, voilà, c'était Ratatouille aussi. Ouais. Après, il y a plein de trucs, genre je vois quelqu'un, tu vois, parle aussi par exemple de Chihiro, et c'est vrai que tous les trucs un peu animation japonaise, bah, de la bouffe. Ouais, à chaque fois, ils font. Ils représentent trop bien la bouffe. Genre, c'est pas un film aussi. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai galéré à trouver. Au début, je me suis dit, ouais, je vais mettre The Human Centipede. Et après, j'ai faim, j'ai vu manger de la merde. J'ai mis Flavor of You. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un anime. Je pense que vous pouvez le voir sur Netflix aussi. Okay. Bon. Et c'est en fait 4 histoires différentes. Donc c'est quand même un animé d'une heure et quelques. Okay. Et c'est 4 histoires différentes où à chaque fois tu as un personnage qui je est. Je crois qu'on n'entend plus Fabien. Qui lit un. Comment tu t'approches? Un plat. Un mémoire. Et, comment? Un souvenir. Et à chaque fois tu revis son histoire grâce à ce plat. Et okay. Bon, super fin. Waouh, bah oui, du coup. Et bon. Les animés sont toujours, représentent toujours super bien la bouffe. Ouais, exactement. Ouais. Ce que la, le dessin animé Wakfu, il y a une scène de petit-déj dedans. Je vous jure que j'ai jamais vu du pain aussi bon. C'est français. J'ai toujours voulu tester le pain elfique d'ailleurs. Ah ouais, le truc qui, bah, qui te cale pendant 3 jours. Tiens, alors que ça, ça a l'air d'être hyper sec en plus de ça, pas bon du tout, mais ouais. Je sais pas, ça me donne trop. Je suis en mode challenge accepted, c'est ouais, ça. C'est calme ça. Pendant 3 jours, on va voir. On dirait un peu des biscuits bretons. Qui n'est pas les bretons, ouais, des Saint-Michel là. Ce film qu'on vous a spoilé et que c'était un peu dur. Bah oui. Sixième sens. Pareil. Oui, on l'avait spoilé aussi, j'ai oublié de le mettre. Tout le monde a été spoilé ici. Moi, m'a spoilé. Je pense qu'en fait, M. Night Shyamalan se connaissait le truc et il l'a dit à tout le monde. Il y aura un twist, vous le savez. Oh, je suis un peu Moi, il y avait Fight Club qu'on m'a spoilé aussi. Malheureusement. Et on a failli me spoiler. Il y a quelqu'un qui a dit Star Wars 7. Est-ce que c'est vraiment grave de se faire spoiler Star Wars 7? C'est ce que j'allais dire, ouais. Quoi? Spoiler la mort d'Han Solo, moi, Star Wars 7. Ah, oui, c'est ça, ouais. Et moi, c'était failli Avengers Infinity War. En fait, j'étais allé le voir Day One à. Bah, avec moi, non? Non, non, j'étais allé le voir à Paris. En fait, j'étais à Paris. Bah, Nitaras. Waouh! J'étais allé le voir, en fait, le premier jour, j'étais essayé d'aller le voir dans les séances, dans les premières séances. Et en fait, je suis arrivé, genre, je crois que c'était à 17h, un truc comme ça. Et j'attends, en fait, dans le hall du cinéma. Et il y a des cons qui sortent du ciné. Oh, les cons. Alors déjà, moi j'avais mis des écouteurs pour essayer de pas me faire spoiler. Et les mecs. Les mecs qui écoutaient du Slipknot à fond, ouais, tout seul. Et les mecs, ils sont... c'était des gamins, un groupe de gamins qui arrivent vers l'affiche du film et qui montrent les personnages en faisant ah, lui est mort. Ils mettent des croix. Je suis mais what? Vraiment, j'ai fermé les yeux. J'ai fait non. Ok, c'est que Captain America sur l'affiche en fait. Non, mais après, ils montraient du doigt quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai. J'ai vraiment détourné le regard. Je me suis dit, mais les gars quoi. Franchement, ouais. Se faire spoiler dans le hall du cinéma, ouais, alors que dans 5 minutes je le vois, j'étais dégoûté. Bonne sous merde. C'était pas. J'ai pas vu qu'il était mort, mais voilà, il avait failli me faire spoiler là-dessus. Quoi. Et bah, moi aussi, c'est Avengers Infinity War. Je me suis fait spoiler. Enfin, l'un de ceux que je me suis fait spoiler. J'étais sur Instagram et, genre, un ou deux jours après qu'il soit sorti, un post parlant d'Avengers, enfin, mes deux super-héros, tous mes posts que je vois sur Instagram parlent de super-héros, et c'était marqué Gamora meurt, Vision meurt, Loki meurt, Gamora à la Soul Stone, machin, voilà. Bah, point. Yes. Bon, parfait. Ça m'a pas empêché d'adorer le film, mais j'aurais préféré avoir quand même le. Il y avait Mervan qui s'était fait spoiler un film dans l'épisode. Il nous racontait ça dans l'émission. Non, Endgame était pas encore sorti quand on a fait le Je crois que c'était Endgame, hein, il me semble. On avait pas encore fait le Powercast 4. Non, c'était pas Endgame, hein. Mais tu sais, il avait dit que c'était sur Reddit, il s'était fait spoiler. Enfin, il s'était fait spoiler sur Reddit, bizarre, mais c'était peut-être Endgame, hein. En vrai, il est bizarre. C'est vrai, il était sur Reddit, il y avait un mec qui avait vraiment mis en gras tous les trucs à spoiler. Ouais, vraiment, putain. Le mec dans le commentaire, quoi. C'était violent. Vous êtes des sous-merdes. Ouais, les gens font ça. On continue avec ce film qui vous a donné des frissons, la chair de poule. Et bah, justement, Endgame. Ah, excuse-moi, je suis désolé. Endgame, bah même Infinity War d'ailleurs, hein. En fait, toutes ces scènes un peu super héroïques, où t'as une grande musique orchestrale derrière, correct, et toi. Forcément, les super héros que j'aime bien, ça m'a fait. Et Endgame, il n'y a jamais un film, malgré toute son empance, qui m'a autant foutu les poils, ce qu'on appelle les poils, à partir de. Endgame, j'ai trouvé super plat du début à la fin, perso. Bah, moi, troisième acte. Déjà que je suis vraiment pas fan des films Marvel, en général, je les regarde pas. J'ai regardé Infinity War et Endgame pour finir. Et bah, c'est peut-être parce que t'as pas tout ce bagage, justement, émotionnel de tout le reste. Moi, j'ai tout vu. J'ai vu. Bon, je veux dire, j'ai vu chaque film au moins deux fois. Non, c'est. Quelqu'un qui dit Fabien Van Helsing. Toi, c'est Van Helsing. Il revient encore. Et non, moi ça m'a beaucoup touché, bah, peut-être parce que déjà j'adore les super-héros et que oui, justement j'avais. T'es un geek? Je suis un geekos. Ouais, geekos. Geekos Aliagas, on m'appelle. Putain. Merci. J'adore, j'achète. Et que ouais, du coup j'avais tout ce bagage émotionnel, que j'avais des héros que j'avais déjà débattu avec plein de potes dessus et tout ça, et qu'on s'était demandé qu'est-ce qui va se passer. Que je m'étais fait spoiler Infinity War, ça fait partie de l'aventure. Et que Endgame, ouais, voilà, bon. Mais je reconnais qu'il a il est bizarre à Endgame, je trouve. Infinity War, je trouve pas grand chose à lui reprocher, tu vois. Bah, Infinity War, justement, c'est la première fois que j'avais aimé un film Marvel depuis des années. Donc, Et Endgame, j'avoue qu'il est bizarre, mais moi, c'est bon, avec le final, il m'avait acheté. Voilà, ça, je voulais voir tous les héros à la fin, c'est bon, j'ai fait. Si vous voulez juste de la baston. Captain qui tient Mjolnir, j'ai fait, allez, c'est bon. J'ai tout l'humour. Je me suis dit, je veux voir l'aboutissement de toutes ces années de divertissement que j'ai vu dans un gros truc, c'est comme un boss final, tu vois. Enfin, Et pour moi, je l'ai eu, ça va. Je suis content. Moi, j'étais avec Jules et il m'a donné la main. Il m'a fait. Je lui ai serré le sexe. Ouais, parce que j'étais très stressé. Ça y est. Donc, toi, le film, t'as pas passé une super expérience. Bah, du coup. J'avais mal. Extrêmement mal. Bon, j'avais mal. C'est pour ça que je l'ai pas mis là. Mais bon, tu voyais qu'il était à fond dedans, ouais. T'as pas osé. Puis bon, il vit son moment. Non, moi aussi, ça m'a fait la. Il y a des gens qui disent Les 8 salopards, Joker aussi plus récemment. Ouais. Moi, c'est The Truman Show. Ah! Qui m'a fait grosse chair de poule. D'accord. Gros frisson. Bah, c'est très bon film. Qui m'a traumatisé à vie d'ailleurs, parce que j'ai vu beaucoup trop jeune aussi, et depuis j'ai l'impression d'être observé constamment d'ailleurs. T'essaies de sortir des décors. Ah ouais, non mais. Bah là, il y a une caméra. Hein. Oh mais putain, merde. Je le savais. Je le savais. Toujours. Hein. T'as pas choisi le bon métier. Et moi, j'ai mis First Man aussi, que j'avais vu au cinéma, qui m'a vraiment foutu des frissons ouais, parce chouette. Que la musique est ouf. Et, je peux avoir une bière en vrai. Tu veux une bière? Tu veux une bière? Bon, écoutez, c'est l'instant bière. Et si vous êtes chez vous, prenez une petite bière, ça fait du bien. Enfin, pas trop, n'abusez pas trop. Sauf si vous sortez pas. Si vous sortez pas de chez vous, abusez un max. Ouais. Mais si vous conduisez, ne prenez pas de bière. J'ai mis Au revoir là-haut aussi. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Assez émouvant en fait. Et très ouais, bon, j'ai beaucoup aimé aussi. Pas au point de Ouais, un peu la chair de poule quoi. Mais c'est vrai que la fin, oui. Enfin, d'un coup, on s'attend pas à ce. Voilà. Et The Dark Knight aussi. Bah, évidemment, The Dark Knight, meilleur film de super-héros. Parce que c'est le seul film super-héros qui est traité intelligent. Oh, attention. Jules est pas là, c'est bon, il entendra. Du coup, on va enchaîner parce que du coup, il est parti. Attends, t'as pas dit. Attends, on dit quoi? Ah, pardon. J'avais pensé à. C'est le social network. Non. Premier contact de Denis Villeneuve. Ouais, de Villeneuve, ouais. Parce que vraiment, je suis fan de SF et celui-là, il le traite d'une façon tellement intime. Bah oui, voilà, c'est que ça faisait du bien au milieu de tous ces blockbusters SF tout pourris qu'on nous sortait. Genre, nous, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de film SF assez convaincant. Et là, pour le truc, un truc assez. Oui, on l'a vu ensemble. C'était avec un buff. On s'est tenu la main. Ouais, clairement. Parce que Jules, il a d'autres manières. Bon, ouais, ok. Et aussi en étant plus jeune, il y avait Star Wars épisode 3, le duel. Ouais, le duel Anakin et Obi-Wan. Putain. Ouais, les frissons à l'époque. Hein. Ah, mais de toute façon, épisode 3, meilleur Star Wars. Ouais, meilleur. Un des meilleurs. On avait tenté un débat une fois sur une des émissions de Powercast, mais on va pas le reprendre. Jules, Star Wars épisode 3, meilleur Star Wars. Star Wars épisode 3, meilleur Star Wars. C'est pas une question. Ah c'est bon bah continuez alors. On nous dit Kingsman 2 qui a failli me faire pleurer pour un gars. Ah. Je sais pas, pour quelqu'un en fait, je ne sais pas. Putain, le genre mais pas du tout. Ouais. Mauvaise idée. Ouais non, c'est pour quelqu'un. Double ouais, Kingsman 2. Kingsman 2, moi déjà le premier, j'avais pas trouvé ça ouf. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. On nous dit A Single Man, j'ai pas vu. Oui. Dark Crystal, Rogue One, meilleur Star Wars. C'est vrai que Rogue One était très chouette, mais ça peut pas être Star Wars. J'ai aucun attachement émotionnel pour les personnages. El Camino, pourquoi? Parce que El Camino, il y a vraiment rien pour qui crée une émotion. Hein. Ouais. Enfin, c'est sympa, mais. Il parle peut-être de la planète dans Star Wars, Camino. Avec 30 kilos de plus. C'est ça. On enchaîne. Non, il était sympa, El Camino. Mais oui, on enchaîne, Clément. Allez, tu nous as endormi. Bon. La marche de l'empereur. Ma grand-mère m'a obligé à aller le voir au cinéma. Je me suis endormi au bout de. Enfin, j'ai cru qu'il faisait une demi-heure. Je me suis endormi au bout de. Je sais pas combien de temps. Ok. Fait bien chez la bite. Inherent Vice. Ah oui. Pas vu moi. Ah, moi Joaquin Phoenix. Moi j'avais bien. Vraiment, j'ai bien aimé le délire. On parle beaucoup de lui ce soir, Joaquin Phoenix. Mais en même temps, on dirait un coup de pub. Allez voir le. Moi, bizarrement, c'est Blade Runner. Ah, et ben, tu sais, je me suis endormi devant, mais par fatigue. Mais ouais. Moi, j'ai dû m'y reprendre à trois fois. Le Blade Runner, j'ai dû m'y reprendre à trois fois avant de pas. Je l'ai jamais fini. Putain, ça y est, moi j'en avais pas, mais j'en ai trouvé un. Moi, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, vu. Classique. Non, mais attendez, parce que je l'ai vu. Bah, je sais pas s'ils sont là dans le chat, mais je l'ai vu avec trois potes. On est allé le voir à Paris, le rediffuser au cinéma. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bah, on va aller le voir. Sauf qu'en fait, on revenait d'une soirée qu'on avait passée la veille, on n'avait pas beaucoup dormi. Donc mauvaise idée et c'était à la Cinémathèque ou un truc comme ça et vraiment. Ouais vraiment. Ils se sont tous endormis. Moi j'étais pas... là. Bah attends mais déjà il y a pas un mot avant 28 minutes dans le film. Et il y a le fameux passage où il y a une image noire et de la musique. Où là vraiment bah t'es au cinéma tu t'endors puisque voilà. C'est vraiment une berceuse quoi. Voilà, bon et, ouais c'était pour le coup très, j'ai vu au cinéma dur. Aussi et j'ai kiffé quand même. Ah non mais moi j'avais kiffé aussi et justement je luttais pour pas dormir. Et c'était dur quoi. Je gerbe. C'était très très bien. Ouais. Yes. Prenez les bières. Voilà. On enchaîne vite fait hein, parce que on a plus beaucoup de temps. Oh là là. Avec ce film qui a tué la licence slash saga. Ah bah alors là, c'est Star Wars 8 direct. Vous deux. Aucune hésitation. Ah ouais, ouais. Oui. Clairement. Ok. Je suis assez d'accord. Grosse chiasse. Ouais. C'est vrai que Disney, depuis quelques années, c'est un océan de merde. Vous avez aimé Star Wars 7? Star Wars 7, j'ai pas aimé, mais j'ai pas détesté. C'est-à-dire que ça pouvait donner quelque chose. Ouais, c'est ça. Et le 8, vraiment, c'est de la merde qui tombe comme ça sur la gueule. Moi, je suis un cran plus positif, c'est que j'ai beaucoup aimé Star Wars 7 et j'ai fait ouaf dans Star Wars 8 en me disant ouais, bon. En fait, ça m'a pas énervé, mais c'est vrai que Leia qui devient basiquement Dieu. Mais qui devient Superman en fait, tout simplement. Qui fait la même scène que dans Batman v Superman d'ailleurs. Et puis Snoke qui a des comptes. Maintenant, la force, c'est de planète en planète, machin. Tout est fucked up dans ce film. Ah, ouais, c'est... Genre, le mec, il peut contrôler la. Enfin, il a de la force, tu vois. Genre, il est sur une planète, il applique sa force dans un vaisseau alors qu'il est à 10 minutes de kilomètres. Il est très puissant. Oui, mais à côté de ça, il peut pas capable de sentir qu'il y a de la force qui bouge en sa. Je me demande lui, bien la connexion qu'ils vont faire de tout ça dans le dernier. Ben ouais, je pense que ça va être Abrams qui va faire oh, il s'est rien passé dans le vide. Ouais. Non, Snoke il est pas mort. Han Solo il est mort. Oh non, c'est une petite coupure ça. Et ce qui, par contre, ce qui est très drôle, c'est que Han Solo est mort, Luke Skywalker est mort, Princesse Leia est toujours vivante, mais Carrie Fisher est mort. Donc... ouais, c'est ça, genre. Misé sur les mauvaises personnes. Ouais. Putain, gros, là c'est. Pas de chance. Je joue pas au loto pendant les 3 prochaines années, là c'est chaud. Moi j'avais. Eh ben Justice League. Ouais, je suis qui a tué les licences Justice League. Ouais. J'avais aussi Astérix aux Jeux Olympiques. J'ai pas osé regarder. Mais dans pour les gens aussi, Astérix contre César était déjà pas ouf aussi. Bah c'est le premier donc il a pas cassé la saga parce que lancé la saga. je veux dire que la saga était déjà pas parfaite. Ouais. Bah c'est grâce à Chaba que ça. Mais plus que les Jeux Olympiques, celui d'après encore mille fois. Ah, oui, à Londres. Je crois. Ouais, en Angleterre. En Angleterre avec Valérie Mercier, je crois. Et avec Bébé Brune aussi qui est. C'est devenu n'importe quoi. Très très bien. J'avais les Bronzés 3 aussi. Ah bah oui. Évidemment. Oui c'est vrai. Oui bah oui, t'as raison. Non, j'avais Indiana Jones, c'est le crâne de Christ. Putain, j'ai pensé, c'est l'autre que je voulais mettre avec Star Wars 8. De la merde. De là pour tuer. Mais vraiment une insulte. Là aussi pour les effets spéciaux. C'est vrai. Ouais. Lui il rentre dans plein de trucs. Hein. Il m'a fait rouler des yeux, c'est dégueulasse, ça a niqué la licence. Il y a tout. Je me suis chié dessus aussi tellement. Est-ce que moi je l'ai pas vu. Est-ce que pour ceux qui ont vu Toy Story 4, est-ce qu'il a tué la Sega? Non. Bah voilà, il a pas tué. Il est toujours bien du coup. Il est bien. Mais la fin, putain! D'accord, très bien. Genre, le film se finit. Ah, ils ont regardé. Très bien. On nous dit. Je me demandais. Attends, je lis un peu. Alors, Terminator. Pour moi, Terminator, c'est mort depuis le 3. Hein. Ouais, c'est vrai. Et bah, ouais. Il paraît que là, le nouveau qui sort. Ils ont et nul à chier. Non, ils ont enlevé tous ceux après le 2. Non, mais alors, faut savoir un truc, c'est que Terminator, j'ai l'impression que depuis c'est une bonne idée, ça. Depuis le 3, ils disent non, mais c'est, ça se passe direct après le 2. Enfin, en fait, ils comprennent que le 2 est le seul bien à chaque fois. Ils disent non, mais ça se passe direct à la fin. Genre, les gars, franchement, Schwarzy, il va crever à un moment, on pouvait pas juste continuer. Terminator 1, 2, j'ai adoré. Je mettais le 3, j'ai fait. J'ai pas maté celui de Christian Bale. Moi, je l'ai vu, pas si mauvais. C'est un spin-off. Film d'action, tu vois, mais pour la saga, il apporte rien. Non, il a rien pour la saga. Et par contre, j'ai vu Genesis que quelqu'un du chat m'avait conseillé. Et qu'en fait, j'ai trouvé ça que c'était grave de la merde. Celui avec Matt Smith dedans. Par contre, je vois quelqu'un qui dit OSS 117.3 et je suis d'accord. Je sens que vu qu'il n'y a plus Azanavicius. Nicolas Bedeau. Il est producteur. Il y a Pierre Ninet dans. Bedeau, c'est réel. Je parle de Azanavicius qui sera producteur. Non, même pas. Il est ni au scénario ni à la réelle, il est pas dessus. Non, ils ont écrit le scénario sans lui. Il a dit j'aime pas le scénario. Il y aura Pierre Ninet. Pierre Ninet qui joue. Ça peut être chouette le duo. Mais je sais que ça va être. Je vois quelqu'un qui dit Shrek 4 et je suis hyper d'accord. C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie, je crois. Shrek 4, c'était long, c'était chiant. Ça a un peu gâché la saga, ouais. Ouais. Alors que le 3 passe encore. Alors que Batman et Robin, génial. Ouais, attends, ils avaient des tétons. Chef d'œuvre. Des costumes, quoi. Mais ouais, vraiment, juste pour ça, il faut voir. Batman et Robin, à la limite, c'est un trip. Ouais, et puis Schwarzy en Mr. Freeze, ça, c'est incroyable. Je vais te laisser de glace. On enchaîne avec ce film qui vous a. Ça tue Batman pendant 7 ans. Titiller la rétine. Alors, moi, il y en a tellement que j'ai limité. Voilà, j'ai limité aux films récents qui m'ont vraiment. Du coup, il y a Mad Max Fury Road. Ah, ok. Que j'ai trouvé vraiment beau. Et après, j'ai pas aimé le film, mais au niveau de l'image, c'est quand même de ces dernières années, ce qui est le plus incroyable, c'est Blade Runner 2047. 49. 49. Non, le 47, lui, non, c'est 2049, mon gars. Putain, ouais, bon, bah, de toute façon, je m'en rends, j'ai pas eu le film. Mais voilà. Et je trouve qu'à l'image, il était incroyable. Même d'accord. Si le film en soi est bof. Ah, bof. Bah, ouais. Je crois que t'aimes pas Blade Runner, parce que tout le monde trouve Blade Runner et Blade Runner 2049 trop bien. Ouais, mais ah les deux me vont. Hein, le deux. Ah, C'est peut-être juste l'univers qui te botte pas. Hein. Non, si, parce que Blade Runner, je m'y reprends à trois fois parce que je m'endormais, mais j'ai bien aimé au final l'expérience quand j'ai réussi à le voir en entier. Moi, j'y avais pas tout compris au début, enfin, je sais pas. Mais je le 2049, j'ai vraiment pas trouvé fou. Mais l'image est incroyable. Okay. Et Max et Maxi Monstre aussi, si jamais il est très bon. Bah, tu vois, j'aurais Maxi pas pensé que tu penses. J'ai jamais vu. Mais ok, pourquoi pas. Moi j'ai eu Morse à l'époque, je sais pas, il y avait un truc au 4 qui m'a titillé la rétine justement. Okay. Grande Budapest Hotel. Ouais. Tu veux dire. Oui. Je trouve que. Alors, je peux vous dire que son prochain, ce sera joli. Hein. Ah, c'est joli. Et là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, donc je vous laisse enchaîner. Vas-y, Clément. Moi j'avais Spider-Man Into the Spider-Verse. Ouais. Ah ouais. Surtout assez révolutionnaire. Enfin, pas révolutionnaire, mais qui change. Ouais, dans le genre animation, il est incroyable. Et en plus, et au-delà de l'image, il est juste fou. Ouais, il est trop il faut le voir. Et Interstellar aussi, en termes d'image grande. Ouais, classique. Bon, oui, voilà. C'était assez classique, mais ouais. Et moi j'avais pensé, très récemment, j'ai vu The Lighthouse. En fait, il l'a vu en avant-première. Oui, en avant-première, c'est le film avec Radcliffe, c'est ça? Non, avec Wilson et William Dafoe. Et William Dafoe encore. Ce soir, c'est Phoenix et Dafoe. Ce soir, c'est Phoenix et Dafoe. On l'appellera comme ça. Là. Allez, ce soir, c'est Phoenix et Dafoe. Et non, ce film est vraiment très très beau. Ok. Ouais. Bah, j'avais vu la bande-annonce et ce. Putain, mais Jules, arrête de dire Van Helsing dans le chat. Il adore ce film, Fabien. Et oui, je suis sûr qu'il mate à côté. C'est un peu un style vieux film en 4 ouais. tiers. Bah, en fait, ils ont tourné avec du vieux matériel. D'accord, ah ouais, donc carrément. Donc ça rend. Ah, mais c'est de la putain de branlette. Pas de clash. Par contre, comment ça s'appelait? Si tu parles de films, justement, c'est pour ça en noir et blanc. Il y a Cold War qui est sorti récemment. Mais avant, il y a fait un film qui s'appelle Ida, je crois. Oui. Et bah l'image dans ce film, pareil, c'est du noir et blanc, c'est magnifique. Ida était bien. Ce film est très bien, mais l'image est particulièrement est incroyable. Les choix de cadre sont fous et la lumière qui est travaillée avec. Et puis le style, ouais. Ouais, voilà, c'était hyper particulier et très beau. Quoi. Into the Wild, on nous dit évidemment. Je déteste. Ah, oui, je déteste pas, mais je trouve pas qu'il soit. Je trouve pas qu'à l'image il soit. Ouais, l'image, après l'image il est pas. Il y a des plans assez. Ouais, c'est parce qu'il y a des plans posés sur. Ah, la nuit du chasseur, je vois. Hashtag Phoenix. Hashtag Ah, il y avait Tree of Life aussi. Oui, jamais vu. Il paraît que c'est très très long. C'est contemplatif. Ouais. T'aimes bien les films de vacances? Genre 13 à la douzaine. Ça, mais en genre plus. Genre Short Little 2. Avec beaucoup moins de souris. Bon. Il y en a un qu'on voulait sauter, mais j'aurais bien aimé qu'on y passe genre 2 secondes. Ouais. Ce film avec la meilleure bande-son, vite oh, fait, juste merci. Qu'on aille vite ouais. dessus. Merci. Parce que c'est quand même ça. Bah vas-y, vu que ça te. Vas-y, Gardien Galaxy, ça compte. The Social Network. Ouais. Ah ouais, tu trouves la meilleure bande-son. La meilleure. Okay. Ouais. Toi, t'as bien Pitcher, toi. Moi, c'est Swiss Army Man. Swiss Army Man, ouais, très bonne bande-son aussi. Okay. Et toi, Jules? T'avais une idée ou. Eh ben, au risque de déplaire, la bande-son de Batman v Superman est super. Pour l'avoir écouté en détail. Et justement, parce que même super. Si on peut critiquer les films du DCU, ce que je trouve intéressant, c'est comment ils travaillent la musique. Parce que les thèmes de Marvel, on est incapable de retenir. Ils sont tous inexistants. Faut arrêter le thème d'Avengers. Quand... Oui, mais il n'y a que celui-ci. Ouais. Oui, mais quand même. Non, en vrai, non, moi, je peux reconnaître Captain America, Iron Man et... Les autres, non, mais au moins Avengers. Même Ant-Man, je saurais le reconnaître. Mais j'avoue que c'est pas évident, mais c'est parce que j'ai vu. Oui, voilà. Parce que j'ai un attachement aussi. Oui, aussi. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, je suis, voilà. Ouais. Je suis content que c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, toi, c'est quoi la bande son? Moi, c'était Amélie Poulain. Ah, bah oui, évidemment. Évidemment. Ah, ouais. Voilà, bon, bah c'était juste pour passer vite fait dessus. Inception aussi. Ouais, on nous dit, ouais, Interstellar, oui. First Man, c'est vrai que c'était léger, mais très beau. Moulin Rouge, jamais vu. Moulin Rouge, c'est déjà revenu. C'est une comédie musicale ah bah, pour le coup. Tenacious D. Ouais, bah oui, évidemment. Parce que je vois Dev Gas, mais Tenacious D aussi. Ouais, c'est vrai. On passe à ce film que vous trouvez surévalué. Là, il y a de quoi débattre un peu. Et non, Iron Man, c'est pas que du ACDC. Regarde le 3. Surévalué ou surcoté? C'est pas. Bah, c'est pareil. C'est pareil. On dit côté les deux. Évalué, c'est le même. Bah, allez-y. Bon, ce film qu'on trouve sur côté Taxi Driver. Oh putain, je te rejoins, je suis grave d'accord. Voilà. J'ai fait d'accord. Je me suis pas arrêté avant la fin. Voilà. Pas comme Mortal Kombat. C'est intéressant, mais je vois pas en quoi. Je trouve que Joker, c'est une version mieux de Taxi Driver. C'est très différent aussi, mais ça reprend quelques trucs. Et ouais, qui fait que... C'est une grosse inspiration, mais c'est quand même pas la même chose. Ouais. Mais après, Taxi Driver, je suis d'accord avec toi. En fait, je le trouve intéressant parce que l'histoire est quand même. Enfin, elle est bien ficelée, elle est intéressante, elle est profonde, mais je vois pas en quoi c'est un chef-d'œuvre. Enfin, dire qu'elle est, oui, pour voilà, moi, c'est pas transcendant comme. Ouais, exactement. Bah, voilà. Mais après, moi, c'est aussi Scorsese. Je trouve que toute sa carrière, ses films en général sont assez plats. En fait, j'ai. Eh bah, voilà. Tu vois, bon. J'ai beaucoup de mal avec Scorsese. Perso, c'est... j'ai beaucoup aimé le Loup de Street, mais c'est que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est aussi. C'est peut-être pas que Scorsese, c'est les films de mafieux et tout ce qui tourne autour des gangs et de la drogue et machin. Dès qu'il y a ça, ça me bloque un peu. Ouais, c'est pour ça que j'avais fini Breaking Bad, tu vois. Ok. Désolé. Juste mes débuts, tu réagis comme les autres, c'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de la polémique en ce moment avec Scorsese et Coppola qui clash Marvel? Bah, vous qui du coup êtes pas moi, fan de Marvel. Moi, sur le fond, je suis d'accord dans le sens où c'est pas un cinéma qui m'émeut. Après, je vois pas en quoi on apporte autant d'importance à leurs paroles, parce que dans tous les cas, s'ils veulent pas voir ces films, ils les regardent pas, et il y a du public pour ça, quoi. Je pense qu'ils ont jamais vu ces films. Voilà, c'est ça. Et je veux dire, si ces films existent et perdurent, c'est qu'il y a des gens qui aiment et que ça fonctionne. Alors certes, on peut critiquer. Moi, par exemple, j'aime pas du tout, mais c'est pas grave. C'est pas pour ça pas que tu peux pas dire que c'est de la. Enfin, voilà. Comme il a dit que c'était méprisable. Ouais, voilà, méprisable. Je dis mais mec, quand même. Ça va. Voilà, tu dis à un moment, ça, des techniciens comme ça. Enfin, tu peux pas dire ça. Alors oui, certes. Il y a le pari d'un univers étendu sur 10 ans, voilà, 23 ça, films, etc. Et, puis... et que moi, les films de Scorsese ne m'émeutent pas non plus. Bon, ne me provoquent pas grand chose chez moi. Ouais. Voilà, c'est aussi ça qui pose la question, c'est que voilà, il y a un moment, il faut du cinéma pour tout le monde et Scorsese, aux yeux de. Bah, moi, j'aime pas Scorsese. Tu vois, un film de Scorsese que j'ai adoré, Hugo Cabret, qui était trop bien. Putain, c'était de lui. Je savais pas que c'était de Scorsese. On l'oublie. Je connais un mec qui a bossé dessus. Hugo Cabret lui-même. Martin Scorsese, lui. Moi, j'avais Once Upon a Time in Hollywood assez récemment que j'ai pas. Bah, il est pas surévalué du tout parce qu'il y a plein d'avis négatifs. Il y a beaucoup d'avis négatifs. Ah ouais, moi, j'ai beaucoup d'avis positifs. Il est partagé. Moi, je te rejoins, j'ai pas aimé. Moi, je suis partagé. Moi, je voulais attendre de le télécharger parce qu'il a une réputation un peu de porc, Tarantino. Je voulais pas lui faire de l'argent. Mais c'est trop personnel. J'ai une Bohemian Rhapsody aussi que j'ai pas. Ah ouais. Un peu surévalué quoi. J'ai pas vu, mais je pense que je serais dans ton camp si je le voyais. Pas si ouf que ça. Les musiques sont bien. Ouais, c'est ça. Si t'aimes bien. Bah oui, Queen, mais forcément, après le film est vraiment pas. Moi j'ai Drive aussi. Ah, Drive, moi, j'aime bien. Drive, j'ai pas compris moi. Ouais, moi je trouve ça nul. J'ai fait ouais. Voilà. Non, depuis tout à l'heure, je dis que j'aime rien en fait. J'ai l'impression que. Alors, du coup, je suis curieux, qu'est-ce que t'as aimé dedans? Dans Drive, ouais, c'est bah, la bande son, moi, c'est déjà la bande son, j'aime beaucoup la synthwave, donc après voilà. Et ouais, l'image, je trouvais ça beau quoi. D'accord. Les néons et tout. Après, c'est le style. Ouais, ça m'a pas, même l'image m'a pas frappé. Et alors, j'aime pas trop Ryan Gosling. Mais ouais, je déteste. Bah, ouais, mais on déjà... baise un jour ou qu'est-ce que ça se passe ouais. Alors enfin, juste pas direct, crier ça, des noms de super-héros pendant qu'on baisera, parce que ça me soupait. Martin Scorsese. Ah non. Et non. J'avais Mommy aussi que j'ai pas j'ai trouvé un peu surévalué en fait. Ah, ouais. Non, moi j'ai beaucoup aimé mais je peux Mommy de Dolan. Oui oui, pas la Mommy. Oui, pas, pas le Tom Cruise. Je trouve vachement surcoté mais tout le monde dit que c'est bien. Oui bah il mérite pire. Il est pas trop évalué du tout. Après voilà, je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Ah puis j'en avais parlé, il y avait aussi The Big Lebowski. Ouais. Ah ouais, tu le trouves? J'avais vu. Ouais, moi je l'ai vu. Il y a le sketch de la porte qui me fait beaucoup rire mais sinon dans l'ensemble ouais. Vraiment, j'en ai toujours entendu parler en mode c'est un classique vraiment génial. Et bon, bah, c'est les frères Cohen après, faut aimer, c'est de l'humour, faut aimer leur humour. En fait. Et moi, je sais pas, ça va, vous avez pas l'air d'être trop fan autour de la table, mais enfin, je rejoins quelqu'un du chat. Moi, je trouve que 2001, l'Odyssée de l'espace, est beaucoup trop surcoté. Oui, ah, oui, non, oui, non, oui. Non. Je suis d'accord. Et ouais, je vais même aller, enfin, je suis désolé, mais je trouve que Kubrick en général est surcoté de un point. Pour moi, Kubrick, il y a que Clockwork Orange qui. Moi aussi. Qui m'a. Mais encore une fois, on est d'accord, c'est le seul film. Alors, ça on aurait dû vous mettre à côté. Non, vraiment, je trouve que Kubrick, il a des idées, certes, mais bon, c'est pas révolutionnaire. Quoi, c'est... Ouais. Oui, mais pour l'époque, moi je trouve 2001 ouais, quand même. C'est vraiment. Je sais pas, moi c'est. Il y avait quoi si révolutionnaire 3 ans... Ils avaient pas marché sur la Lune encore. Oui, mais 3 ans avant, il y avait Planète des Singes, ça traitait quasiment ouais. les mêmes thèmes et c'était beaucoup plus, pour moi beaucoup plus parlant, beaucoup plus intéressant. Ça se défend, ça se défend. Et Méliès, il avait marché sur la Lune, tu crois? Non, bah, attends, je peux te dire qu'il s'est écrasé dedans. Alors que c'était lui-même la Lune, le mec, il était complètement dingo. Luné. Bon. Ce film, au contraire, que vous êtes le seul à aimer. Que tout le monde, que tout le monde déteste. Alors j'ai l'impression. Mignon. Bon Helsing, vas-y. Non mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un film qui a été. Il a floppé quand il est sorti. J'ai trouvé très peu de gens qui l'ont aimé, mais Contact de Robert Zemeckis. Moi je c'est l'ai un... jamais eu. C'est un je de mes premiers contacts, mais. Non, il est bien. Moi c'est qui un c'est mes. Ce film c'est avec Jodie Foster. Ça parle de la. De... D'Alien. Voilà. Il cherche à établir le premier contact avec des formes de vie extraterrestres. Okay, et je peux en dire plus parce que vraiment ça. Ah, tu peux pas en dire, peut même pas nous mettre un peu l'eau à la bouche là. Il y a Jodie Foster déjà, rien que ça, ça suffit. Elle est incroyable comme actrice. Ouais, et ses Zemeckis, voilà. Quoique Marwen, ça avait pas l'air top. Ça avait l'air nul à chier, ouais. Même si Steve Carell et ses Zemeckis, ça avait l'air. Ça quand même pas. Bah, moi j'aime bien Steve Carell après. Ouais, moi aussi, mais justement, je les adore. Et ouais. Après aussi, j'ai un deuxième péché mignon, mais genre là, c'est péché mignon de la 11, vous pouvez me tabasser. J'aime bien Lucie de Luc Besson. Ah ouais, je te tabasserai pas, mais ouais. Parce que j'ai vu que tout le monde avait la haine contre ce film. J'ai moi, pas la haine, c'est juste la fin qui. J'ai fait. Ouais, justement, c'est un peu comme avec Valérian, je me suis. Oh. Moi, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Mais, ok. Bonjour. Mais après, en le revoyant, pour moi, c'est pas une leçon du rôle. C'est juste j'ai beaucoup aimé le voir, c'était chouette. Puis c'était un des bons rôles de Scarlett Johansson. Okay. Avec Under the Skin, Her, et avec Bill Murray, là, c'est comment. Lost in Translation. Voilà. Donc voilà, c'était mes trucs à moi. Ok. J'ai fini. Ciao. Allez, dis-moi ça bien. Allez, boîte à l'ampée. Il remballe. Ah, moi j'avais pensé à un film. Je sais pas si c'est un péché mignon, mais Wanted avec James McAvoy. Ah bon, oh, j'aime et bien. Ça peut être un péché mignon. Et il s'est fait chier dessus. C'est vachement cliché en mode. Ouais. Bah, je sais pas si ça a marché. Je crois. Pardon, il y a quelqu'un qui a dit Taxi 2, ça me fait beaucoup rire. Le Taxi 2, c'est rigolo. Non. J'aime bien le mec où la personne tout timide. Au taxi. S'il aurait pu le mettre plus petit que ça. Petit comme ça. Il se sent bien, il l'a enfin dit. Il a été à deux doigts de mettre T, apostrophe, apostrophe, I. Fred Defentai, il est marqué directement. Mais Wanted, j'ai pas l'impression que ce soit fait particulièrement chier. Je vois même pas ce que c'est. Ouais, tu vois, c'est James McAvoy qui tire des balles, il fait des effets. Ouais, ouais, voilà. Des effets avec les balles. Moi, je trouve ça super drôle. Mais ouais, mais tu vois, je trouve ça un peu. C'est le genre de cam que je peux aimer juste pour le. Mais ouais, je trouve. Tu vois, mais. C'est un peu n'importe quoi. Ouais. C'est ça le délire en fait. C'est un gros délire. Très vert, il me semble. Vert et jaune. Oui, je crois que le style est jaune et. Moi, c'est Batman v Superman. Désolé. Okay. En vrai, hyper fan de ce film et surtout l'Ultimate Edition. Toujours pas vu, mais je suis sûr que je pourrais l'aimer. Eh ben, on en dit beaucoup, beaucoup de mal. Moi, j'ai adoré. Oh putain, il y a quelqu'un qui aime Suicide Squad, les gars. Ouf. Elle est là, c'est derrière nous. C'est Solène qui troll derrière. Non, à part la très mauvaise introduction, je trouve des autres héros, à savoir enfin la Justice League quoi. Oui. Et comment on te montre ça, parce qu'il fallait se dépêcher de rattraper Marvel. Pour moi, tout se tient, j'ai l'impression. Et waouh, bonsoir. Waouh. J'ai tout aimé. Fort, les gens ont pas aimé le personnage de Lex Luthor. Moi, je trouve ça cool. C'est un jeune hyper frustré qui fait des crises d'angoisse. Et comme tu l'as pas vu, je veux pas trop développer, mais. Scène d'action de ouf, première fois que t'as un Batman qui se bat vraiment, enfin voilà, un super. Alors que c'est un détective, on le rappelle. Et c'est un. Mais moi justement, non, ben, j'ai. Tu vois, le Batman de Keaton, c'est pas un détective, tu vois. Ouais. Mais pareil, genre tout le monde a crié à l'horreur dès qu'ils ont eu Ben Affleck en Batman, moi je suis sûr qu'il peut être trop bien. Pour moi, c'est le meilleur. Il est, je sais pas, justement, il fait vrai Bruce Wayne à mes yeux. Non, mais dans celui-là, ouais. Il se bat pas, Batman. Il détruit les gens. C'est un massacre. Bah, clairement. Hein, bah, la scène du hangar, il se bat. Et puis, justement, ouais, mais... on te montre que c'est un personnage aigri et qui sait plus trop faire la différence entre le bien et le mal. Ouais, j'ai jamais donc... vu Batman. Tu t'es branlé dans une tarte au pain. Bah, t'as pas lu assez de comics. Wow. J'en ai vu. Alors, je sais pas, il y a du troll dans le chat. Et mais, qu'est-ce qu'ils disent, mais pareil, tu vois, genre le prochain Robert Pattinson, moi je suis impatient de voir ce qu'il peut ouais, dans Batman. Ouais, ouais, franchement, et Paul Dano en Riddler. Riddler, ouais. Riddler ouais, ça peut être cool. Ça s'appelle Zoé Kravitz en Catwoman. Ouais, ça peut être cool aussi. Ouais. Franchement, merci, le Pump Week. Jusqu'alors, le cast il me fait envie. Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air, sur le papier, ça a l'air bien. Ouais. Pourquoi pas et pourquoi pas. De toute façon, ils ont tellement touché dessus qu'au pire, on peut tester des années. Ouais, voilà. On peut voir d'autres. Moi, c'était Le Roi Arthur de Guy Ritchie. Putain, j'adore ce film! Bah ouais, mais voilà. Il était trop bien! Il était bien accueilli aussi! Non, bah, non, pas du tout, il a fait un méga flop! Il a flopé. Bah, normalement, en fait, ça devait être une saga. Ouais. Et du coup, ça sera jamais une saga. Putain, parce alors, que c'est ouais, c'est chier! La musique est incroyable! Ah ouais, ouais! Il est j'aurais pu mettre dans la bande son. Ah ouais, ouais! Très très bien! Il y a la scène où il grandit là, vraiment avec le montage. Mais le montage est ouf, l'image est vraiment bien. Non, mais moi, j'adore ce film! Le combat de fin, c'est Dark Souls. Charlie Hunnam. Et tu vois, genre, tout le monde adore sa version de Sherlock Holmes, il déteste son roi Arthur, alors que moi je préfère le roi. Je sais pas, moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Non, mais j'aime ça veut pas dire que moi, j'aime moi, pas, juste je préfère ce qu'il a fait avec le roi Arthur. C'était... Par contre, dans les effets spéciaux un peu dégueu, la scène de combat en VF. Ouais. Et que ça fait Dark Souls. Et ça fait Dark Souls. Ouais, je sais pas, c'était bien. Le reste du film est tellement bien. Mais sinon, moi j'ai adoré, il est incroyable. Ah bah, je suis d'accord. Et la bande-son, ouais. Pourtant, il s'est fait descendre. Et ça, c'est dommage, bizarrement. Alors que tout est bien. Ouais, pour moi, il n'y a rien à acheter. pas un priori. Non. Franchement, j'aurais aimé voir une saga là-dessus. Ah et si, il y a Beckham qui a un rôle. Beckham qui a un rôle. Mais même, il y avait l'histoire de Merlin qui était en fait une fille dans le film. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais envie de voir la suite de la saga. Non, c'est pas Merlin justement, c'est une mage, mais je crois que Merlin est au-dessus. Et le problème, c'est qu'on sait pas trop ce qu'il en fait, parce qu'il y aura jamais l'explication de ça. C'est dommage quoi que ça soit mort comme ça. Il était trop bien, moi j'ai vraiment. Ah voilà, on est d'accord. C'est la fin du thème. C'est la fin du thème. On est à combien de temps là? On a le temps de faire un jeu. Allez, on a le temps de faire le jeu. Vous aimez le cinoche ou pas? Que j'ai pas, je me suis pas fait spoiler, donc je peux potentiellement jouer. Alors d'ailleurs, pour ceux qui sont pas fait spoiler, sixième sens, en fait, à la fin, il y a les bras cassés. Bon. Attends, parce qu'il faut que je compte vos points. Comment il s'appelle ton jeu déjà? Il s'appelle Les potins entre zinzins. Ouais, j'ai pas compris trop le. Je savais pas non plus. 7 et 6. 7 et 6. Ouais. 7 et 6. Ouais, de toute façon, j'ai tout noté. Moi, je vais. Toi, je te compte en à côté. Voilà, moi, je serai là au cas où. Ça te va? Toi, t'es là pour participer, super. C'est déjà beaucoup. C'est gentil. Je vais vous poser des questions sur un peu les records qui ont été battus par des films. Pas du tout des potins, du coup. Je comprends pas, toujours pas ton nom de thème. Oui, il m'a proposé ça, j'ai mais fait. Mais moi non plus, bon. Écoute. En fait, okay. J'en ai proposé jusqu'à ce que Clément rigole à 1. Bah, au début, il a dit. Il a entendu zinzin. Quiz film. Si c'est des quiz, ouais, bah c'est déjà fait. Ouais. World Guinness Record. il a déjà. Je pense qu'il a entendu zinzin, ça l'a fait rire. Ouais, ouais, tout simplement. Il pense aux zinzins d'espace. Ça n'a rien à voir avec ton est-ce jeu. Que vous êtes prêts? Oui. Non, pas du tout. Les trois petits cochons là, d'après. Il me faut 5 minutes. D'échauffement. De silence. Et un kimono. Avec une caipirinha, il sera parfait. Quel a été le film le plus rentable de l'histoire? Non, mauvaise réponse. Tu penses? Non, c'est un film d'horreur. J'ai des propositions pour vous. C'est un QCM. Oh là là. Non, c'est pas un QCM, mais voilà. Alors, première possibilité, Paranormal Activity. Deuxième possibilité, Avengers Endgame. Troisième, le projet Blair Witch. Et quatrième, Avatar de James Cameron, pas le dernier maître de l'air. C'est pas Blair Witch. Ouais, tu es le premier à avoir dit la réponse, c'est Paranormal Activity. Ah, alors j'ai hésité parce qu'en fait il a rien coûté. Oui, mais. Mais Blair Witch, il a coûté 15 000 balles. Ouais, ouais, ça doit se jouer à pas grand chose. Alors, je vous le dis, dites une réponse claire et pas en mode paranormal. Et dit pour que l'autre puisse le dire. Au pire, dites votre nom et après la réponse, comme ça on saura qui. Ouais, voilà. Van Helsing. Pas bien, vraiment. Très bien. Paranormal Activity. Oh, allez, c'est vraiment pas le même film. Hein. Paranormal Activity. Quel film a été le plus gros fiasco financier? Alors là, Wall Street. Hein. Le loup de Wall Street. Non. Wiz Khalifa, toi qui t'y connais. Bon. Putain, mais je voulais faire la blague du Wiz, c'est ça. Eh ben, alors, première possibilité, c'est The Lone Ranger de Disney, je crois. Deuxième possibilité, Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Oui, ça. Troisième possibilité, le 13e guerrier avec Antonio Banderas, il me semble. Et quatrième, L'île aux pirates. Moi je crois que c'est Final Fantasy. L'île aux pirates, c'est quoi? C'est le film français avec. C'est L'île aux pirates avec un. Non, c'est Final Fantasy parce qu'ils ont demandé des avances genre tous les mois parce qu'ils n'arrivaient pas à finir le film, ça coûtait trop cher en effet spécial. Ah oui, c'est possible que ça soit. Mais c'est quoi L'île aux pirates par contre? Je sais pas. Ah, ok. Ça veut dire que c'est pas la bonne réponse. Donc, vous, qu'est-ce que vous bloquez comme réponse? Lone Ranger. Lone Ranger, toi? Moi j'aurais dit Final Fantasy aussi. Final Fantasy. Et bah vous avez tous faux. Quoi? Parce que le film le plus gros fiasco financier, apparemment, c'est Le 13ème Guerrier. Paru en 1999 et le plus gros flop de l'histoire du cinéma. Il s'agit d'une adaptation du roman Le Royaume de Rodgar de Michael Crichton, le mec qui a écrit Jurassic Park. Okay. Il a été victime d'une guerre interne entre le réalisateur et le producteur, un petit peu comme Justice League. Le long métrage a été remonté plusieurs fois et le. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. T'as aimé Justice League ou pas toi? Alors écoute, j'ai trouvé ça pas mal, sauf que c'était tout de la merde. Voilà. Ah oui, donc pas fan quoi. J'ai préféré la moustache de. Ouais, non. Non, même pas. Non, ça. Je vais pas m'étendre dessus. Voilà. Énorme flop, budget de 85 millions et on estime 183 millions d'euros de pertes. Oh, qui fait un beau pactole. Les APL, ça va pas aider ça. Merci Macron. Donc ça fait un point pour personne. Oh, super. Quel est le film contenant le plus de morts? Alors on parle de décès à l'écran, pas de morts vivants. Enfin, tu vois, Zombieland ça compte pas. Ah oui. Le plus de gens tués quoi. Okay. S300. Laisse-le moi. Bah 300 déjà c'est dit dans le nom. Donc, Ils sont au nombre environ de 27. <Plus ou moins. rire> Le Seigneur des Anneaux 2, 3, pardon, Le Retour du Roi. Ou alors le film 3 avec Brad Pitt, Eric Bana, ouais, Orlando Bloom. Ou Le Hobbit, La Bataille des 5 Armées. Ah, Le Seigneur des Anneaux 3. Attends, c'était quoi, pardon, Seigneur des Anneaux 3, Hobbit. Alors on avait 300, 300 le Seigneur voilà, des Anneaux 300, 3, oui, 3. 3, et... justement. Il y a beaucoup trop de 3 dans cette question. Ou Le Hobbit 3. Justement. Ah, je vous ai bien niqué là. Moi, je me demande si j'ai pas fait exprès. Moi, je serais sur 3, moi. Moi, j'ai aucune idée. Parce que le Hobbit 3, je m'en souviens pas, mais ils ont voulu faire plus que Seigneur des Anneaux. Mais... Je sais pas s'il est mort en CGI compte d'ailleurs. Parce que le Hobbit 3, dans les 300, il y en a pas tant que ça. Ah, mais c'est à l'écran, je pense que ça compte, ouais. Du coup, je sais pas, moi je. Joker. Tu dirais bon, je dirais Seigneur des Anneaux alors, du coup, pour donner une réponse. Seigneur des Anneaux ouais. Et 3, moi. Eh ben, vous gagnez un point tous les deux, car c'est effectivement le Seigneur des Anneaux. Bah, je vais arrêter de jouer, du coup. Bah, t'es une belle merde. Pour moi, t'es une merde. Yes. Bon, super. Laissez-moi changer de feuillet. Hop là, regardez-le, il a une aisance. Ah voilà, il a changé. Quel film a été le plus piraté de toute la vie? La sextape de Kim Kardashian. Un point bonus. Accepté. 5 points pour Léo. 5 points. Bon Helsing. Mais c'est que toi, non, qui, c'est l'a que toi qui l'a piraté alors, une fois bien, par jour. Mais... Je, dire, je te touche la main. Quand ce sera Van Helsing, je te ferai signe. Je te ferai signe. Oh, Van Helsing. Ouais. Bon. Est-ce. Quel film a été le plus piraté? Est-ce The Dark Knight? Non. Avatar, de James Cameron toujours. Transformers, le premier. Ou Inception? Avatar. The Dark Knight pour moi. The Dark Knight pour toi, dis, Avatar ouais. Ici. Bah je dis Transformers pour nous. Tu dis Transformers, ouais. C'est Avatar. Okay. C'est qui a dit Avatar, c'est toi? Bien joué, tu as un point, t'es en train de mettre. Ouais, on appelle la misère, Léo. Avatar, 21 millions de téléchargements, mais quand même 2,80 milliards de dollars de recettes. Ouais, pas mal. Avant-dernière, attention Léo, c'est le moment de se secouer. On va se réveiller un petit peu. Chauffer la caboche là, allez. Quel film a été le plus vu en France? Que en France. On parle du Les Cuches 3. Hein, pas la Belgique, machin. Les Cuches 3. Est-ce Astérix Mission Cléopâtre? Est-ce La Grande Vadrouille? Est-ce. Bienvenue chez les Ch'tis ou est-ce Titanic? Oh putain! Moi j'aurais dit bienvenue chez bienvenue les Ch'tis. Chez les Ch'tis. Ouais. Faut aucune réponse. Idée. Je vais Fabien, t'as dit quoi toi? Donner... Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, t'as dit toi? Pareil, bienvenue chez les Ch'tis. Bah, je vais dire Mission Cléopâtre. Tu vas dire Mission Cléopâtre, ouais. Vous avez tous les trois faux. C'est la Titanic! J'en étais sûr. Ouais, Titanic avec 20,3 millions d'entrées. C'est Céline! C'est Céline qui chante! Ça, Céline! C'est Céline. Bon, et eh ben Fab, un point. C'est vraiment une bonne misère. Mais il a pas du tout dit Titanic. Chut. Il a dit bien chez les Ch'tis. Fab, non, non. 4 points. Il y a du Fab. J'ai effacé ton point, t'inquiète. Et la dernière question. Ah, quel est le film comportant le plus d'erreurs? Alors, je parle de faux raccords. Ce qu'on voit en général dans l'émission faux raccords, c'est à savoir technicien dans le champ, faux raccords, incohérence historique, reflet, perche dans le champ. Etc, etc. Le bal des nazes. Etc. Waouh. Alors ça c'est private hein. Private mais qui fait mal hein. Qui fait mal. Waouh. Wow. Bon. Pour expliquer pour ceux qui connaissent pas le bal des nazes, c'est. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on en parle dans une des émissions donc ça va. Et ben je rappelle vite fait, c'est un court métrage tourné en vacances au bar des nazes où j'étais pas là parce que je n'avais pas d'argent. Alors. Annulé la quel veille. Film comporte le plus d'erreurs? Est-ce que c'est Il faut sauver le soldat Ryan? Est-ce que c'est Jeanne d'Arc de Luc Besson? Est-ce que c'est Apocalypse Now? Ou est-ce que c'est Da Vinci Code? C'est même pas un film de Nolan, tu vois, qui lui, souvent on laisse. Ah ouais, il fait ah ouais, ouais. À part en dans, le, dans, prise, dans Dark Knight Rises, quand t'as tous les manifestants qui se battent, t'en as trois, ils font rien. T'en as un, ils sautent tout seul et tout. Enfin, c'est n'importe je me, quoi. Je me souviens aussi de. C'est dans Rises aussi qu'il a la canne Christian Bell. Ouais. Et en fait, elle arrête pas de changer de main. Et après, il fait un salto. Et les figurants, ouais. C'est pire. Ah ouais, ouais, mais il y a beaucoup d'erreurs. Il pourrait y avoir été. Comme le mec qui balaye dans n'importe de... quoi. Mais ouais, ouais. Mm. Mais il y a vraiment beaucoup de trucs dans les films de Nolan. D'accord. Moi, j'ai dit entre. Alors, j'ai dit Il faut sauver le soldat Ryan, Jeanne d'Arc, Apocalypse Now et Da Vinci Code. J'ai dit entre Da Vinci Code et Jeanne d'Arc. Ouais, Jeanne d'Arc, je pense. Ouais, Jeanne d'Arc aussi, j'aurais dit. Je pars sur Jeanne d'Arc. Tous. Tous sur Jeanne d'Arc. Ouais. Vous êtes des merdes, c'est tout faux. C'est... Parce que le vrai film, c'est Apocalypse Now, oh, avec 561 erreurs comptées. Bon, eh ben, Coppola qui critique. Regarde tes films d'abord, peut-être. Excuse-moi. Ouais, peut-être regarde ton moniteur, parce que tu as peut-être de la merde entre tes systèmes. Entre nous, t'es un bon pas de moniteur. Il avait pas de cam d'ailleurs. Il avait chaud, il avait très très chaud. Ok, ça dénonce dans le fond. Avec sa bite et son couteau. Non, il avait vraiment sa bite et son couteau, je pense. Et bah, c'est la fin de ce jeu, Fabien. Putain, mais t'avais même pas d'explication sur ce truc Apocalypse Now. Oh bah, si je devais détailler toutes les erreurs, t'imagines. T'as pas taffé ton jeu. Plus de 67 perches dans le champ, t'imagines. Ça avait l'air d'être le bordel leur tournage. Alors, 7, je compte 11 points pour Fabien contre 7 points pour Léo. Qu'est-ce qu'on lui offre à Fabien? Oh, la dernière bière, chaude. Yes. Elle est là, regarde, elle est posée. Voilà. Et les pizzas froides. On lui a déjà offert le micro le plus pourri. Quoi. Ouais. La prochaine fois, tu reviendras. On t'offre le collector de Van Helsing. C'était la surprise depuis le début. Eh ben écoutez, on va pouvoir terminer ce podcast, il me semble. Ouais, on va doucement, on a encore un peu de temps, vite fait. En terminant sur... Ouais, donc oui, on en a parlé avant, vous avez pas de gros projets. Vous dans la vie, ça va. Ça va les gars? Ouais, ça une vidéo, un jeu vidéo que vous avez aimé récemment. Par exemple, ouais. J'ai fini le remake de Link's Awakening. Ah, alors comment c'est? Oui, pour les gens qui n'ont jamais joué à Link's Awakening, c'est très bien pour le découvrir. OK. Et il a un peu ça fait partie de base, là il est un peu difficile quand même, faut le savoir. C'est pas non plus hardcore, mais voilà. Mais très chouette, j'ai beaucoup aimé la DA qu'ils ont prise, ce côté petite boule de gomme. Oui, c'est très, très beau. Ouais. Et je suis en train de finir le dernier Fire Emblem aussi qui est Three Houses. Three Houses, ouais, qui est... Alors t'as pris quelle maison? J'ai pris les cerfs d'or. C'est les jaunes? Ouais. D'aigle, bah, c'est ce que j'aurais pris aussi. Ouais, t'as joué t'as vraiment joué à Harry Potter, c'était cerf d'aigle. T'es trompé. Enfin, j'ai pris Pouf Souffle. Ah, belle merde. Non, et ouais, il est vraiment bien, mais il s'étend beaucoup trop sur la fin. Je crois que ça fait 10 heures que je suis à la fin du jeu, et genre à chaque fois ils te font. Tu vois le Seigneur des Anneaux 3 à la fin? C'est ça en jeu vidéo. D'accord. Ah, oui. Chaque fois que t'as l'impression d'avoir fini, il y a un truc. Mais ils sont très chers. Un rebondissement. Et il y a Luigi's Mansion 3 qui va sortir. Ah ouais, bah moi je me tape bien le prendre. Ouais. Ouais. Et juste après, il y aura Animal Pokémon, Crossing aussi. Et ouais, en mars. Et Red Dead sur PC aussi. Red Dead sur PC qui pèse 150 gigas. Un an après, comme d'hab. Ouais. Ouais, bah c'est Rockstar, ils aiment bien. Et toi? Bah pareil, j'ai fait Lynx il y a pas longtemps. Et là, il y a The Outer World qui vient de sortir, c'est de Obsidian, c'est ceux qui ont fait Fallout New Vegas. Ouais, ça avait l'air trop bien. Et si vous êtes fan de Fallout, franchement, c'est... Mais du coup, tu l'as? Ouais, je viens de... Mais c'est quel genre de jeu aujourd'hui? C'est un FPS un peu RPG. Ok, un peu à la Fallout, quoi. Mmh. Okay. Parce que tu sais, Fallout, ils ont été rachetés par Bethesda, et après, ils ont fait de la merde, en fait. Genre, j'ai cru que c'était toujours Bethesda. Non. Pas trop Bethesda, mais... Tu m'as dit non, non, mais, non, mais je veux dire que là, pour le coup, Fallout, oui, voilà, c'est pour Fallout, ouais, ça a fait de la merde. C'est parce surtout, ils ont fait de la merde à partir du 76, qui s'est fait... Ouais, il paraît. Et du coup, en fait, les créateurs de Fallout sont dit, bah ok, on se casse, et on refait une licence par nous-mêmes. D'accord. Et voilà, et c'est ça, et ça avait l'air d'être trop bien. Ouais. Franchement, ouais. Ok. Bah, nous, Apex, hein, Jules. Apex, Paladin, ouais. Smash aussi. Super. Hearthstone. Je squatte encore énormément Hearthstone. Moi, j'y passe. Ah ouais, putain. J'y passe ma vie. Ah ouais. Il y a toujours. En vrai, il y a toujours du contenu. Hein, et, faut pas croire. Ah, et puis, bientôt, il y a Death Stranding aussi qui sort. Ouais. Ouais, avec Conan. Il va y avoir Hideo Kojima à la Paris Games. Non, à la Paris Games Week, si, je crois. Ouais. Il va venir en personne, le monsieur. Ouais, Hideo Kojima. Et nous, Clément, en termes de projet. Alors nous, ouais, on l'avait noté, mais on va vous parler un peu de Turbo Rire 2000. Qu'est-ce donc les mecs... Turbo Rire 2000. Vous avez fait un jingle énergie. Ouais, on a notre jingle, c'est bon. Turbo Rire. Tuning. Ouais, nouvelle chaîne. Tuning est drôle. C'est un peu ça. C'est un peu la DA. Non, pour vous parler un peu, pour vous parler un peu de la direction artistique qu'on a, en gros, du coup, c'est là où seront diffusés les Powercast. Replays de Powercast dorénavant. Pour les versions YouTube, en gros. À partir de dorénavant. Je déteste la cette saison. Quoi dire? Oui, et du coup, c'est le nouveau nom aussi de la chaîne Twitch et de notre toute nouvelle chaîne Mixer. Pour ceux qui sont sur Mixer. On adore Ninja. On aime Ninja, viens nous voir, Ninja. On fait exprès pour l'approcher. Et du coup, ouais, on fera aussi, en plus des rediffusions des podcasts sur YouTube, on aura aussi des courts-métrages qu'on est en train de qu'on prépare avec Jules. Et qu'on a d'ailleurs un tournage demain. Ouais, c'est pour ça qu'on va arrêter ce podcast. C'est trop fou, non ? Parce qu'il faut qu'on se couche tôt, Clément. Donc, parce qu'on va faire un gros yo-yo gignon, Clément, c'est tout grognon. Ah bah oui. Hein ? 50% à l'heure, 50% ouais, drôle et sympa. Il a besoin de son petit dodo. Il a besoin de ses 16 heures de sommeil. N'hésitez pas à vous abonner à TurboWare à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à TurboWare 2000 sur YouTube. Hésitez à vous abonner. Ouais. Ah, prenez un peu, réfléchissez. Prenez le temps d'un café. 2-3 minutes. Ouais. Voilà. Tu fais un petit thé verveine, voilà. Tu sors tes princes, tu prends ton goûter tranquille. Tu pèses le pour et le contre. Et tu cliques sur s'abonner parce qu'on aura. Ou pas d'ailleurs, t'as le droit de. C'est gratos. Ouais, bon. Moi je veux être transparent, je suis pas un très bon promoteur. Tu veux pas t'abonner, toi, t'as clairement pas envie de t'abonner. Mais voilà, on va faire des petits courts-métrages sympas, je pense. Et y a on quoi, tourne un sketch, ça, on peut le dire avec Théo Sirac qui est déjà venu deux fois dans cette émission. Mon dieu, le Théo. The one and only Théo Sirac. Pas le seul Théo, mais. Comment vous l'avez eu en fait? Ah, on a un peu charbonné quand même. Ouais. Bah, ouais. C'est Turbo Rire 2000, ça l'attire tout de suite. Okay. Et puis voilà. Donc voilà, par les couilles. À bientôt sur TC Turbo Rire. On est toujours par contre en replay aussi sur sur Spotify. 2000. Mon truc. Hein. On est toujours en replay sur Spotify et Apple Podcast, donc n'hésitez pas à nous suivre pour ceux qui aiment bien et juste écouter. Ah, Turbo Rire. Je croyais que t'allais nous faire un petit solo de trompette pour la fin, tu vois. Pour rien, ok. Je suis comme Kenny, moi je mets du saxo maintenant dans mes morceaux de rap. Attention. Ouais. Turbo Rire 2000, oh. Max de fan et de tuning. Oh. Putain, je vais réutiliser. J'ai pas joué la trompette. Et en tout cas, bah, merci les gars d'être venus à la première émission de la saison 2. Donc ça veut dire que ça redémarre. Oui. Donc j'imagine que dans un mois, on aura l'épisode 2 à peu près. Oui, en novembre environ. Voilà, suivez-nous un petit peu partout sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas, il y a tous les liens de partout. Surtout Instagram. Surtout Instagram. Ouais, en ce qui me concerne, surtout Instagram. Ouais, ouais, on a du mal avec Facebook et plus compagnie. Actif sur Instagram. Que sur donc essayez de nous suivre. Venez sur LinkedIn. Et puis merci. J'ai un CV impressionnant. Surtout pas pour moi. Et puis voilà. Et puis merci à tous ceux qui ont discuté sur le chat. Il y avait beaucoup de monde, c'était cool, ça a bien interagi. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission de Powercast ou sur nos sketchs quand on peut-être. Si c'est sorti. Et les gars, merci à vous vraiment d'être venus. Merci les gars. Super émission. À bientôt. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend. Bisous. Salut les concons. Merci public aussi, on applaudit. Trompette, trompette s'il vous plaît. Trompette, trompette, trompette. La trompette.